C'est Matt White du groupe On n'est pas sorti de la grange. Je vous invite à découvrir notre nouveau single Dans nos campagnes sur Radio Arc-en-Ciel. Pour donner place aux auteurs de nos rivières, libérer la place pour nos affaires, vos buildings, vos palaces nous pompent l'air. Crois-tu que l'élégance c'est Paris, ou c'est le chant du coq qui réveille le pays? Alors regarde. La la la la la. sans question. Fais-tu le point, toi, dans toute ta pollution? Je t'invite à venir reprendre l'horizon. Ça se passe chez nous, dans nos cantons. Alors regarde. À tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, tous les vendredis à partir de 19h et on est ensemble jusqu'à 22h. Voilà. On a écouté un petit peu de musique depuis le début de cette émission et aussi dans l'émission, on a l'habitude de recevoir des artistes. Donc on va récapituler depuis le groupe Dérapade. Ils étaient venus le 21 octobre, le groupe Dérapade. Le 28 octobre, nous avons reçu Corrosive System. Le 4 novembre, voilà, c'était Youss qui était venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 11 novembre, le groupe Swim Camille, voilà, on en parlait tout à l'heure hors antenne avec le groupe invité de ce soir. Le 18 novembre, c'était le groupe La Jarry. Les derniers invités de cette émission, c'était Jesus Whiskey qui sont venus le 25 novembre. Et puis la semaine dernière, donc on a diffusé beaucoup de musique et j'étais là avec Teresa. On a écouté beaucoup de musique d'artistes qui sont venus dans l'émission Mavrika ou qui vont venir. D'ailleurs, les prochains artistes qui viendront dans l'émission Mavrika. Alors pour le mois de décembre, tout le monde ne se bat pas pour venir dans l'émission. Hein. Mais le mois de janvier, lui, il est complet. Il y aura Alex Lebaille qui viendra commencer l'année avec nous le 6 janvier. Il y aura aussi 2 gigs, donc découverte dans l'émission Mavrika avec 2 gigs. Donc ce sera le 20 janvier. Voilà. Je regarde sur mon téléphone en même temps parce que depuis je me fais des petites fiches. Mais là, à force de faire des petites fiches, je ne sais plus où je les ai mis. Donc le problème il est là. Le 27 janvier, il y aura retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel de Elsia. Vous vous souvenez, elle était venue il y a quelque temps nous parler de son travail. Et là, dernièrement, elle a sorti un nouveau single et un nouveau clip vidéo aussi que vous avez pu découvrir sûrement sur Internet. Et donc, elle sera notre invitée le 27 janvier. Pour le mois de février, on va recevoir pour la première fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel les brunettes qu'on suit déjà depuis pas mal de temps. Je les ai vues plusieurs fois en concert et là, ça va se faire. Elles seront ici avec nous. Le 24 février, nous recevrons Anaïs from Paris, qu'on a écouté au début de l'émission. Et pour le mois de mars, plusieurs dates sont déjà réservées. Il y en a une, en tout cas, avec le groupe Ombrage. Encore une découverte dans l'émission Mavrika. Depuis le début de l'émission, on a écouté plusieurs découvertes de cette semaine. Alors, c'est la première fois qu'on les diffuse. Il s'agit du groupe Ocre. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Part of the Problem. Les Nostronautes, un groupe de trois, voilà, avec Steel Clouds. Et juste après, un artiste qui viendra sûrement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est Pierre Saya avec le morceau La Tête en Bas. Anaïs from Paris, on en a parlé tout à l'heure avec Whitesnaker. Et ONPSG dans nos campagnes, donc que vous avez pu découvrir aussi. Aujourd'hui, dans l'émission numéro 531, nous avons des invités, comme d'habitude. Et c'est la première fois qu'ils viennent dans les studios, donc c'est la première fois qu'on va découvrir leur travail, leur univers. Et à la fin de cette émission, il faut vraiment qu'on sache tout sur eux. Et puis, c'est la première fois qu'ils viennent ici, ils sont venus pour nous présenter leur album, et ils reviendront forcément une prochaine fois. Voilà, vous êtes dans l'émission Mavrika, c'est sur Radio Arc-en-Ciel, et on est ensemble jusqu'à 22h. Juste après, on écoute Phil Tanguy and Tom Trio avec Blue Moon. Yeah. when the ladies sing no more. Dusty boots are holding up the door. There's no one left and the right one's always gone. Red lights fade into the sunrise, deja vu. Where the lies are true and the blue. Écoutez encore des bons morceaux, donc Phil and Tom Trio avec le morceau Full Moon et Elephant from Neptune avec Boogie Land. Voilà, on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à Fleury-les-Aubrais, à 5 minutes du centre d'Orléans, et nous recevons des invités. Alors tout à l'heure, je ne les ai pas encore annoncés, mais il s'agit du groupe Narcose. Ils sont là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et on va d'ailleurs les retrouver tout de suite et commencer à découvrir tout leur univers. Ah voilà, on entend des bruits. Donc j'ai monté tous les micros, hein, donc il y en a même un de trop. Et donc on est avec le groupe Narcose. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Oh là là, vous faites fort. On va régler tous les potentiomètres. Voilà. Encore, je le disais, il y a quand même beaucoup de bruit. Tous les micros sont à fond, donc on va régler au fur et à mesure. C'est vrai que je suis un peu surpris d'habitude. Alors, vous êtes le groupe Narcose. Oui, c'est ça, oui. Alors, qui c'est le plus bavard d'entre vous? Ah, ce serait bien Bertrand. Oui, oui. Bon, je règle les potentiomètres en même quand temps. Quand il commence, on ne l'arrête plus. Donc, on le reproche beaucoup, ça. Donc, le groupe Narcose est composé de quatre musiciens. Alors, quels sont-ils? Qui c'est qui est... À la limite, présentez-vous dans l'ordre. Hein. Ben, moi, je m'appelle Bertrand. Je suis guitariste du groupe Narcose. Voilà. Très bien. Eric, chanteur et guitariste rythmique. Très bien. Donc Stéphane, bassiste du groupe Narcose. Et puis bien Pascal, à la batterie, aux percussions électroniques. Très bien. Les effets spéciaux. Ok, donc voilà tous les quatre membres du groupe Narcose. Et en même temps, ça m'a permis de régler les micros, là. Ça devrait y aller un peu mieux. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on a été un petit peu surpris. Hein. On est expressif. Voilà, donc le groupe Narcose, c'est un groupe... Vous êtes à quel endroit? Vous êtes situé à quel endroit? Alors, je prends la parole. Je sais qu'il y a des gens qui viennent... Alors, on est sur, on va dire, Châteaudun, mais enfin, on répète dans un petit village qui s'appelle Bazoches en Dunois. Voilà. D'accord. Donc, c'est entre, on va dire, Orgeres-en-Beauce et Châteaudun, à 30 kilomètres d'ici, à peu près, en vol d'oiseau, on va dire. D'accord. Le groupe existe depuis combien de temps? Oula, 2 heures. 2013. Depuis 2 heures. Et ça va finir comme avec les Inconnus, c'est à la fin quand ils s'engueulent là sur le Disperac 75. Enfin bref. Oula, ça a commencé en 2013. Ouais, en 2013, mais octobre 2013. Ouais. Mais... Ça fait 9 ans, à peu près au mois d'octobre. C'est un groupe qui est né sur les cendres d'un ancien groupe qui s'appelait Zespol, si on peut le dire, dans lequel on était ensemble avec Eric. On partageait la scène. On partage la scène depuis longtemps, d'ailleurs, Eric. On est un vieux couple. On est un vieux couple, voilà. Ouais. Toujours pas marié. Toujours pas marié. Je sais pas, ça a commencé, The Spall, c'était 2009, un truc comme ça. D'ailleurs, il y a des morceaux qui vont être diffusés ce soir qui datent de l'époque The Spall. D'accord. Des morceaux que vous avez repris, donc, dans ouais, ouais, c'était des morceaux qui avaient été composés à l'époque. Et puis, voilà. On a arrêté. On a fait la connaissance de Pascal. Qui nous rejoint. Et on a fondé Narcose. À l'époque, il y avait un autre bassiste et on a fondé Narcose. Et puis, en 2019, Stéphane est venu nous rejoindre, voilà, et a remplacé Olivier. Mm-hmm. Alors, vous vous êtes rencontrés comment ça se passe pour former un groupe? Parce que bon, il y avait déjà une base, d'autres personnes sont venues se greffer. Comment ça s'est passé? Vous êtes rencontrés à l'occasion de concerts ou des choses comme ça, non? Au départ, c'est que Bertrand et moi, on était à l'école de musique actuelle de Châteaudun. D'accord. On a fait connaissance là. Et puis, c'est là que l'idée a germé dans la tête de Bertrand pour essayer de refaire un groupe. Alors, Bertrand, ça a été chercher Eric. Rechercher. Et puis, il y avait aussi Olivier qui était à l'école de musique. Ouais, aussi. Olivier, oui, le premier bassiste. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à s'essayer sur deux, trois reprises. Et puis, c'est parti de fil en aiguille. On a monté notre groupe. D'accord. Alors, le groupe, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire de la musique, déjà? Moi, perso, j'en faisais déjà au lycée. Les dimanches après-midi, dans les chambres, on répétait déjà avec un groupe de copains. Donc, je veux dire, le virus est arrivé très tôt, quoi. Mm-hmm. Ouais, souvent c'est comme ça, c'est quelque chose qui remonte quand même depuis longtemps. Et au début, vous avez parlé tout à l'heure, vous faisiez des reprises, et petit à petit, vous avez commencé à avoir envie de faire vos propres morceaux, c'est ça? Bah c'est ça, oui, en fait, c'est parti comme ça. Disons que c'est Bertrand qui est pratiquement le principal compositeur et auteur. Et puis voilà quoi, il a plein d'idées. Et puis on les met en action entre nous pendant les répétitions. Et puis la mayonnaise elle prend. Et puis le morceau se fait. Et puis voilà quoi. C'est toujours Bertrand qui amène la musique, les paroles. Dans l'ensemble. Après il y a les arrangements, on discutait. Il est vrai que par exemple le morceau qu'on va écouter tout à l'heure à Dictée to You, c'était le premier morceau qu'on avait commencé à travailler. On avait alors quand on écoute la démo et puis quand on écoute la version Narcose, elle a été modifiée. Il y a le pont qui est différent, voilà. Mais après il y a aussi une discussion sur la structure du morceau. Eric, des fois, il me dit « Ah, ça va pas, les paroles, quand on chante, il réécrit une partie, parce qu'il dit, voilà, tel mot, ça va pas par rapport au chant, à la prosodie. » C'est ça, tu vas nous dire, Eric. La prosodie, c'est en fait le respect du nombre de pieds. Et c'est vrai que dans la chanson, comme dans la poésie, en fait, s'il n'y a pas le bon nombre de pieds, on n'arrive pas à dire tous les mots, tout articuler. Donc, des fois, effectivement, je triche un petit peu, des fois, en disant deux syllabes dans la même. Mais, et puis, comme c'est moi qui chante, je préfère pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Donc, c'est juste des petites retouches, en fait. D'accord. Et c'est d'abord les paroles ou derrière, d'abord la musique? Guitare toujours en premier. C'est toujours la guitare. Toujours. Guitare de Bertrand en premier. Et après on essaie de caser quelque chose dessus. Oui, parfois la basse aussi. Je prends la basse puis ça vient, riff, j'enregistre et puis après je réécoute. Des fois je me lève le matin. Non. Et puis des fois tu te lèves le matin. J'ai des idées qui viennent comme ça. Il a dit des fois. Voilà. Des fois ça vient comme ça. C'est tout. Bon, c'est. D'accord, c'est comme ça. Il n'y a pas de recette vraiment. L'idée peut venir. C'est dommage. Si on alors, il y avait une époque, le défaut, c'était d'amener des choses un peu complexes et de revenir à des morceaux plus, on va dire, plus simples au niveau structurel. Quand on a des discussions, souvent. Je trouve que dans Tarès, c'est plus simple au niveau structurel. C'est un morceau qu'on fait en ce moment. C'est le nouveau morceau qu'on est en train d'écrire, de composer là. Ouais. Je suis pas sûr qu'au niveau structure, ça soit le plus simple. Maintenant, ça vous paraît plus simple, peut-être, parce que vous avez plus l'habitude de travailler ensemble, donc c'est... Ah, bah, c'est sûr qu'il y a des automatismes, il y a des automatismes, ça fait. Oui, maintenant, on se regarde, on a, tout de suite, on se comprend, ça, c'est super, par contre, si on travaille depuis longtemps ensemble, et c'est un peu comme, un vieux couple, un petit coup d'œil, et c'est des automatismes. C'est la complicité, ça. Ouais, c'est voilà. Ouais. Ça. On puis se les, comprend puis les répétitions régulières. Ouais, ouais. Beaucoup de travail, il y a rien. Beaucoup de ah travail, oui, de toute façon, oui. Ça vient pas tout seul, hein. Il faut beaucoup de travail, hein. Il faut déjà être doué au départ, parce qu'il y a des gens, ils pourront travailler toute leur vie, ils arriveront à rien. Et inversement, il y en a d'autres qui travaillent pas beaucoup et qui arrivent plus facilement. Donc ça, non, quand on a les deux, ça. Oui, quand on a les deux, ça marche mieux. Quand on a les deux, ça marche mieux. Mais bon, très bien, donc on commence à connaître un petit peu votre univers. Alors, les morceaux, vous les écrivez et c'est la langue française que vous avez choisie? Pas spécialement. Pas spécialement, je sais qu'il y a aussi quelques exceptions, justement d'abord avec le premier morceau déjà. Tout à fait. Mais vous, c'est le français d'abord et l'anglais ensuite? Oui, il y a deux morceaux en anglais, il y a des messages subliminaux dedans, c'est pour ça qu'on les fait en anglais. D'accord, c'est, si on les retourne dans voilà, l'autre à l'envers, il va y avoir des trucs qu'on va entendre. Non. Pourquoi en anglais? Je sais pas, ce morceau-là, le morceau c'est sur l'addiction, donc l'addiction à plein de choses, voilà. Moi personnellement j'aime bien quand les chansons disent quelque chose, ouais. Et j'aime bien comprendre, comme je suis pas très bon en anglais, je comprends pas tout, alors j'aime bien, pour pouvoir en plus exprimer et chanter sur scène, avoir un message, avoir essayé entre guillemets d'interpréter un peu la chanson, pas simplement la chanter. Donc évidemment, si je comprends les paroles, c'est plus simple, donc c'est pour ça que je préfère les chants en français, le français, et j'aime bien les chanteurs français. Aussi, ouais. Français, ouais. Et en plus, les gens qui vont vous voir, justement, voilà. c'est pour l'instant un public français. Dans l'avenir, bien sûr, vous allez faire les tournées mondiales. Mais pour l'instant, c'est un public français, donc les paroles en français, c'est quand même beaucoup plus facile pour eux de comprendre, quoi. Oui. Enfin, des fois, il y a des touristes qui viennent nous voir. Oui, il y a aussi des touristes. Ouais. Très bien. Et je suis d'accord avec Eric. En fait, c'était le français. On en a parlé. On a pris cette décision de faire les morceaux en français pour passer un message. Et peut-être qu'un jour, on aura une carrière internationale. Mais je pense que autant. Oh, d'ici là, vous avez eu le temps de faire d'autres albums en anglais. Ouais, on fera peut-être comme Johnny. On ira à Las Vegas et puis les Français, ils iront nous voir là-bas, quoi. Aussi. Très bien, donc on va peut-être écouter un premier morceau, parce qu'on parle du groupe Narcos. Alors, dans les autres émissions, on a déjà commencé à diffuser un morceau. Et puis, cette fois-ci, on a l'album complet. Alors, il est tout chaud, il vient tout juste de sortir. Et c'est apparemment les mix presque final, mais il y aurait quelques petites retouches sur certains morceaux. Oui, légères. C'est vraiment des petits détails. Et au passage, je voudrais saluer amicalement Philippe Legoc, qui est derrière la partie production, faut pas l'oublier, parce que voilà, je tiens gros vraiment. Gros je pense qu'il nous écoute, ou s'il nous écoute pas, il écoutera en podcast. Mais voilà, Philippe, on te fait un gros bisou et merci pour tout. Voilà, c'est le cinquième membre du groupe. C'est un peu ça. Oui, c'est un copain qui joue dans un autre groupe qui s'appelle Les Voisins. On peut en parler peut-être. Bien sûr. Un album qui s'appelle Kadastreski. C'est un groupe, on va dire de pot rock. Il s'appelle comme ça. Hein, donc je fais un peu de pub pour eux par la même occasion. Et moi j'ai joué un petit peu avec eux là ces derniers temps à la basse. Et on s'est croisés régulièrement. On a fait quelques concerts ensemble où on va les voir, ils viennent nous voir. Et Philippe est un peu le spécialiste du matériel de musique. Il a des connaissances, des compétences dans ce domaine-là. Et en plus, il a produit l'album des Voisins. Et quand on a écouté leur album, je dis waouh, ça sonne vraiment pro, quoi. Et bah, on a commencé l'an dernier à la même époque à enregistrer dans un premier temps la batterie, Pascal. On a commencé par ça. S'est étoffé au fur et à mesure de la construction d'album, et c'est Philippe qui est derrière, qui fait les mixages, le mastering, voilà. Donc, d'accord, on va parler de toute façon de l'enregistrement, comment ça s'est passé, tout ça, on va rentrer un peu plus dans les détails, et là on écoute le premier titre qui s'appelle « Addicted to You », en anglais bien sûr. On en parle tout de suite ou on en parle après de ce morceau-là? On va l'écouter. On l'écoute, voilà. Et puis on en parle juste après. C'est parti. In my heart, angels, we never cry. When you say I'll be there for you. When my soul wants to say goodbye, I think about you. In my dreams, angel, we never cry. I always find you. I'm still need you. I'm still need you. 'Cause I'm addicted to you. I'll be there for you when my soul wants to say goodbye. I think about you in my dreams. Addicted to You, le premier morceau de cet album du groupe que nous recevons ce soir dans l'émission numéro 531. C'est le groupe Narcose. Alors ça va, ça fait quoi d'écouter? Vous étiez très attentif à écouter le son à la radio. Alors ça passe bien la radio ou... Oui, ça passe bien. Oui, passe ça va. Bien, oui. Pascal, voilà. Pascal, il est toujours tatillon sur les sons. Alors dis-nous Pascal. Ça te va? Bah, c'est parfait. Voilà, en tout cas, ça passe super bien. Parce que là, vous êtes en plein dedans. Vous venez juste de sortir. Les morceaux sont vraiment. Vous venez juste. Je les ai reçus cette semaine et ils sont tout chauds. Hein. C'est vraiment le mixage final. Bon, il y aura peut-être quelques retouches encore. Mais ça veut dire que là, vous êtes en plein dedans. Donc, vous faites encore attention à tous les petits détails. Et c'est une chose importante. Parce qu'après, l'album, il va sortir. Et après, une fois que ça sera fait, dans 10 ans, il restera le même. Hein. Ça évolue voilà, plus. C'est, hein. Ça, ouais. C'est ça le truc. Ouais. On fera des reprises après. Ouais. On en fera, c'est pas grave, dans 10 ans. Les reprises de Narcose. Bah oui, voilà. Ouais. On serait peut-être repris, remarque. Ouais, ouais. Peut-être aussi. Hein. Voilà, donc. D'ailleurs, comment s'appelle l'album? Il n'a pas de nom. Non, c'est un album éponyme. Éponyme, donc c'est Narcose. Ouais. Après, le deuxième, vous commencez peut-être à réfléchir déjà un petit peu pour le décider. Ouais. Éponyme 2. Éponyme 2. Ouais, voilà. Tiens, c'est peut-être une bonne idée, hein, en tout cas. Pour. Et on va revenir justement à ce morceau-là. Alors, qui c'est qui nous en parle? Bertrand. Bertrand, hein, ouais. Puisque... Ouais. Addict to You, ça veut dire... addiction à toi. À toi, voilà, mais... C'est une chanson sur l'addiction. Mais sur l'addiction, ouais, parce que ça peut être... À toi, on part en scène à une personne, mais ça peut être une bouteille, à une seringue. Ouais, voilà, c'est un peu ça. À ouais, la musique, c'est rock, comme nous. C'est hein. Voilà, c'est le rock'n'roll aussi. Les paroles sont toujours à interpréter. Il n'y a pas forcément de message dans ce morceau, parce que c'est d'autres morceaux où il y a des messages, où on passe des messages. Je dis, ah non, c'est... C'est une chanson, c'est un peu sur l'addiction, ou quand on est un peu dans le creux de la vague, la musique beaucoup, hein. Mm-hmm. Moi ça m'a beaucoup servi. Ça on peut consommer sans modération, il n'y a pas de problème. Ouais, hein. Après voilà. Malheureusement parfois c'est plus des choses qui font plus de mal pour la santé, et voilà. Donc ça parle. Voilà, c'est... Je pense que quand les gens écoutent les paroles, ils se l'accaparent un petit peu et chacun pense à quelque chose. Il y en a, ça va être la musique, d'autres ça va être le sport, d'autres ça va être certaines drogues ou l'amour. Voilà. L'amour, hein, ça peut l'amour d'une personne où on est complètement fou, et puis des fois ça peut être nocif aussi. Ah oui, tout à fait. Hein. Justement, l'addiction, c'est ça le problème, c'est que ça fait du bien d'un côté et après ça finit par faire du mal aux gens, ça les détruit même certains. Voilà. Donc comme la nourriture. Bah ça peut être une addiction. Alors, hein. Il y a des gens, ils mangent et ils sont malades de trop manger, etc. Donc, et d'autres, c'est l'inverse. Hein. Ils mangent pas assez et puis ils veulent pas manger. Et puis voilà, il peut y avoir... Bah, ils crèvent. Voilà, donc ça, c'est un bon sujet en tout cas. Il est bien traité. Et donc, c'était le titre de ce premier morceau de l'album de Narcose. Alors, vous avez choisi le nom Narcose, pourquoi? Pascal, t'explique. Alors, voilà, c'est moi qui ai choisi ce nom parce que, en fait, j'aime bien la plongée sous-marine. Mm-hmm. Et en fait, la narcose, c'est un peu ce que redoutent tous les plongeurs, que ce soit les scaphandriers. Et en fait, la narcose, c'est un excès d'azote dans le sang. Mm-hmm. Et ça vous emmène dans l'ivresse des profondeurs. Ouais, c'est ça, ouais. Et l'ivresse des profondeurs musicales, c'est pour ça que j'ai voulu que le groupe s'appelle comme ça, quoi. Parce qu'on veut entraîner justement les gens qui nous écoutent dans l'ivresse des profondeurs musicales. Voilà. D'accord, bah, super. En tout cas, voilà. Le nom est bien trouvé. Ouais. Narcose. Et en plus, vous êtes les seuls à vous appeler comme ça. Parce que disons que si moi j'ai vu sur internet il y avait un DJ qui s'appelait plus ou moins comme ça aussi, oui, mais, d'accord, mais c'est un groupe vraiment connu qui s'appelle comme ça, non? Donc ouais. C'est vraiment un nom original, et c'est vrai que c'est pour ça que vous avez choisi un scaphandre pour la pochette de cet album. Tout à fait. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Un scaphandre à l'ancienne, hein, c'était dans les années 30, oh, oui, ouais, jusqu'à 30-40. Ah bah là, je vous dis pas, là, voilà. À cette époque-là, ils étaient pris par la narcose, hein, souvent. Ah bah oui, parce que effectivement, ça c'est le fait de pas avoir assez d'oxygène, il y a trop d'azote, et puis les gens ils partent un peu. Ah et puis oui, des oui, fois, c'est. Bah, en fait, ils finissent, ils tombent dans les vapes, et puis ils respirent l'eau, quoi. Ouais. C'est un peu ce qui est arrivé peut-être dans le Grand Bleu, là, où il s'en va, il va nager avec les dauphins, et puis lâche le truc. Ouais, c'est un peu un suicide, là, aussi. Oui, là, c'est... Ouais. Oui, parce que là, on dirait que c'est pratiquement lui qui a décidé. Mais disons que tous ceux qui font des compétitions de plongée sous-marine pour aller au plus profond, ça arrive malheureusement que certains plongeurs sont pris de narcose. Et d'ailleurs, ils sentent qu'ils commencent à pas aller trop bien, il y a un geste dans l'eau qu'ils font pour qu'on les remonte le plus rapidement possible. C'est le geste comme si on voit quelqu'un qui est sous. Et puis en prenant le poing devant le nez, tourne, voilà. Ah c'est ouais, ça, d'accord, ouais, c'est, ok. Voilà, c'est ça. Il y a aussi un truc qui m'a fait rire aussi, c'est parce qu'il y a des gestes comme ça dans la plongée. C'est par exemple si on plonge et on est en bas, on est en difficulté, et quelqu'un nous demande ça va, et si on lui dit... Alors ça veut dire remonte-moi. Alors il faut pas faire le pouce hein, parce que ça veut dire remonte-moi en plongée. Hein, c'est pas du tout. Ça veut pas dire ça va. Ouais, ça va bien. Non, ouais, voilà, c'est ça. Et ça c'est les petits détails, mais c'est vrai que dans les vies de tous les jours, on a tendance aussi à se faire des signes, mais en plongée, non, il y a vraiment des codes à respecter. Hein, donc très bien. Bah c'est bien. Ça fait une petite allusion comme à la passion de certains, donc la plongée. Et c'est voilà, c'est mais il y a beaucoup de personnes narcose, ils pensent que c'est un rapport avec la drogue, narcotique, effectivement. Étymologiquement parlant, de toute manière, narcose, narcotique, ça doit venir de la même chose. Narcolepsie aussi. Oui, effectivement. Donc mais ça explique un petit peu mais bon, c'est vrai que les gens ils pensent avec la drogue ou des trucs comme ça. Surtout forcément... quand on commence l'album avec Addicted to You. Il y a une logique. Et après, dans le rock'n'roll, c'est tous des drogués et tout ça. La musique que vous faites, comment vous la qualifiez? C'est du rock'n'roll? Bon, c'est inqualifiable. Ouais. C'est du narcose. Voilà. Ouais, c'est ça. On ne sait pas trop exactement. Bon, on touche aussi bien au hard rock qu'au punk. Ça navigue un peu le rock progressif aussi. Mm-hmm. Ouais, on n'a pas vraiment. Bon, c'est du rock en général. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est très large le rock et bon, on n'arrive jamais. J'appelle ça du rock velu. Rock velu. Ouais. Sur nos compositions, je trouve que c'est du rock quand même bien. La testostérone, quoi. D'accord, rock velu. Donc, ouais, et puis c'est vrai que c'est sympa. Et les guitares qui peuvent être très douces, plus agressives, voilà. Il y a et même au niveau du chant, ça peut être marmonné. Et après, ça, par contre, ça envoie bien. Voilà, il y a tout un travail, ou même au niveau du studio pour capturer justement et donner cette énergie. Il faut de la nuance dans un morceau, hein, sans ça. Si on fait tout à fond, bah oui, c'est de la musique qui respire. Hein. Voilà. Alors, vous êtes plus un groupe de live ou un groupe d'enregistrement? Plutôt live. Hein. Plutôt live. Ouais. C'est la musique vivante, quoi. Oui, notre but c'est de se produire sur scène, ça c'est clair. Oui, c'est ça. Oui. Le studio, l'album c'est pour fixer un peu ce qu'on a fait, puis essayer aussi de diffuser notre musique, mais notre ADN c'est de monter sur scène. Mm-hmm. Et puis c'est pareil, là vous allez figer dans un album les morceaux, mais ces morceaux-là ils vont peut-être continuer à évoluer aussi. Ça se trouve dans 10 ans vous les interpréterez différemment ou... C'est pas impossible. On se reverra dans 10 ans, On en reparlera. Donc, peut-être même avant, hein, vous revenez quand vous voulez. Ouais. C'est la première fois que vous venez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc on fait connaissance aujourd'hui. Mais maintenant que vous faites partie de la Mavericas Family, vous revenez quand vous voulez, vous nous dites une date dès qu'il y a de l'actualité, et puis on en reparle dans l'émission. Voilà, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Voilà, donc on a écouté un premier morceau. On va parler aussi de l'enregistrement. On avait commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Ça s'est passé où? Comment? Au studio Made in China. Voilà, studio Made in China. Musique. Mais, d'accord, c'est à Bazoches en Dunois. On a enregistré les pistes de batterie dans notre salle de répétition. Et puis, il y a eu des parties de guitare qui ont été enregistrées, le chant qui ont été enregistrées chez Philippe. À Morancé, non, c'est pas Morancé, vers les Chartres, ouais, à chaque fois, à côté de Chartres, c'est vers Chartres, vers les Chartres, d'accord, c'est vers Chartres. Vers les Chartres. Voilà. Et voilà, donc il y a eu beaucoup de travail, ouais, ça prend du temps, ouais, de confectionner un album. Il y a eu plusieurs, par exemple, le morceau qu'on vient d'écouter, là, il y a eu deux fois les deux prises de guitare. Il y a eu une première version, ça allait pas, quoi, parce que les guitares n'allaient pas, donc on a utilisé un autre type de guitare, plusieurs. Dans l'album de Narcos, il y a quatre types de guitares, par exemple, qui ont été utilisées. Voilà, les guitares qui vont faire plus blues. D'autres qui vont être plus typé metal ou d'autres plutôt hard rock, du rock british, la Telecaster par exemple, une Strymon Fender, enfin, je veux pas faire de pub, mais oui, chaque guitare a sa particularité. C'est une guitare qui a une particularité de sonner très rock british. Et après les amplis aussi. Et puis après même au niveau du studio, il y a des simulateurs de... Ah non, c'est du vrai, très bien. C'est vraiment micro devant l'ampli, et puis c'est vraiment une chose à laquelle nous avons tenu, d'avoir un son qui ressemble le plus possible à ce qu'on peut produire lors de nos concerts. Voilà. Il y a la partie sur Derry à Belfast qu'on écoutera tout à l'heure, où elle a été travaillée un peu plus travaillée en studio, qu'on interprète aussi lorsque nous sommes en public, face au public, mais on n'a pas voulu trop en rajouter. On n'a pas voulu faire comme Maxwell. Voilà. C'est vrai que des fois, on a tendance, comme on a les possibilités, on a des multipistes, on peut en rajouter. Ce qu'il faut, c'est savoir aussi s'arrêter, parce que des fois, en voulant trop en mettre, on dénature complètement le morceau, et c'est dommage, parce que après, les gens qui vont l'écouter en concert vont pas reconnaître. Et puis, des fois, dans la simplicité, il y a l'authenticité, et puis, c'est ce que vous voulez garder aussi. Vous voulez garder la sincérité par rapport au son. C'est ce qu'on... Je vois au niveau du chant, par exemple, il y a quasiment pas d'effet sur la voix. Et il y a sur un seul morceau, je crois, où il a doublé la voix, mais sans ça, la voix, moi, c'est pareil, je voulais pas non plus mettre de la réverb, des cœur, etc. Un vocodeur. J'ai testé le vocodeur. Enfin, après, faut mettre des trucs de qualité, parce que sans ça, effectivement. On a voulu effectivement que le son soit assez proche de ce qu'on peut produire sur scène. Ouais. Très bien. Donc, c'est vrai que les artifices, c'est bien, mais il faut savoir jouer avec modération, hein, de ces trucs-là, parce que à un moment, forcément, quand ça a été découvert, tout le monde s'est lancé là-dedans. Même les vocodeurs, ils s'en sont servis, même pour modifier carrément les voix et donner un truc différent. Mais je pense qu'on revient de plus en plus, justement, les simulations d'ampli. Aujourd'hui, on va toujours chercher des amplis à lampe des années 50 ou 60. On va chercher des guitares qui, des fois, elles sont pas sorties maintenant. Elles sont sorties dans les années 50, 60, un bon instrument pour qu'il ait du son, il faut du temps. C'est pas un instrument neuf, les instruments, et ça vieillit, et normalement ça vieillit bien, quoi, si on s'en occupe bien, et c'est comme ça qu'on a un bon son aussi. C'est vrai que les vieux amplis à lampe, c'est un son quand même chaud, ça c'est mal analogique. C'est ce qui a été utilisé d'ailleurs sur l'album, c'est un ampli à lampe, ce sont des amplis à lampe. D'accord. Donc et les préamplis aussi. Souvent dans les studios, aujourd'hui on a le numérique, tout ça, mais on va chercher des vieux préamplis, des fois des trucs. On les regarde, on dit tiens, mais ça date des années 50. Et ouais, mais c'est les mêmes. Pourquoi, même si c'était pas parfait. C'est vrai qu'aujourd'hui on essaie de faire des choses super linéaires, super parfaites, quoi. Mais on aimait bien justement quand c'était teinté, cette imperfection qui donnait la couleur de la musique, d'une époque, etc. Donc aujourd'hui, je crois qu'on revient à l'authentique, on va chercher des instruments qui plaisaient et qui plaisent toujours, parce que finalement, trop linéaire, c'est pas toujours très agréable non plus. En plus, par contre, c'est assez difficile parce que, par rapport à l'enregistrement de l'album, sur les amplis à lampe, quand on met une distorsion dessus, ça génère un souffle. Ça fait... Et Philippe, qui s'occupait de faire le captage son et puis la partie prod, ça a été assez difficile parfois pour faire ce captage son. Lui, il est plus musique funk. Donc moi, je suis plus en gros muscle métal, rock, hard rock. Moi, j'aime bien que ça pète, quoi. C'est un gros son, et c'était souvent difficile, quoi. Moi, je voulais un gros son, puis des fois, ils disaient, ouais, ça fait du bruit, ça fait pshhh. Quand on met une disto sur un ampli à lampe, ça fait pshhh. D'ailleurs, on répète souvent. qui fait pshhh. Ça fait pshhh. Voilà. Ça, c'est des fois, c'est la bière qui fait pshhh. Il n'y a pas que voilà, le à la pause. Et après, c'est pareil. Moi, j'ai vu aussi travailler des ingénieurs du son. C'est que justement, quand ils font les prises de son, ils nettoient toutes les pistes et tous ces petits bruits, ils essaient de les enlever au maximum. Donc, il faut savoir qu'il y a des. C'est beaucoup de temps. Hein. On prend piste par piste. Et sachant que des fois, il y a des morceaux qui ont 50 pistes, et ben, piste par piste, tout a été nettoyé pour enlever le petit tic qui s'est passé à un moment ou le petit souffle. Les souffles, ils ont aussi des plein de choses aujourd'hui en numérique qui nous permet de les enlever. Donc c'est tout un travail. Par contre, il y a une chose qu'on remplace pas, c'est les oreilles. Hein. Il faut vraiment quelqu'un qui ait des bonnes oreilles et qui sache aussi se servir des instruments pour enregistrer le son comme il faut. Donc vous avez trouvé une bonne personne ou c'est vous tous qui vous êtes mis quoi finalement? Bah oui, c'est un travail d'équipe. Alors il est vrai qu'il y a des parties qui ont été enregistrées. Par exemple, il y a certaines parties de guitare que j'ai enregistrées tout seul. Et après Philippe il retouchait aussi la partie. Alors il y a des fois il me disait bah ça va pas, le captage est pas bon, ou quand on compte des fois Eric ou Stéphane venaient la basse, il y a un morceau on a mis du temps à enregistrer, c'était très difficile parce qu'on n'arrivait pas à avoir le son qu'on souhaitait. Philippe n'était pas là, après on renvoyait le captage son à Philippe ou plusieurs captations, puis Philippe après derrière retouchait ou des fois il fallait refaire parce que ça allait pas. Ouais, c'est à dire que quand on a une bonne base on peut toujours la modifier mais des fois on a beau essayer de la tourner dans tous les sens, ça vient pas comme vous voulez, donc on la refait parce que on analyse, on dit pourquoi ça sort pas. Voilà, il y a quelque chose, et on essaie de triturer dans tous les sens, et on n'arrive pas. On se dit, allumez, on recommence, et des fois, hop, là, c'est bon, et on sait pas pourquoi. C'est très, très compliqué, le son, hein. C'est quelque chose de très intéressant et très compliqué en même temps. Donc après, il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir-faire, et puis de connaissance du matériel, hein. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens qui ont des studios de fous, mais ils savent pas trop s'en servir. Et inversement, il y en a certains qui ont des trucs, ils ont quelques éléments, et avec ça, ils sortent ce qu'il faut, parce qu'ils ont exactement ce qu'ils ont besoin. Voilà. Ça sert à rien d'en rajouter de trop. Très bien. Donc, en tout cas, l'enregistrement, je trouve qu'il est bien. C'est un très bon enregistrement. Vous avez bien travaillé. Non, merci. Hein. Voilà, surtout, voilà, encore un petit clin d'œil hein, à notre Philippe adoré. D'accord. Donc, très bien. C'est un travail d'équipe. Et, bon, pas l'exclure, surtout de bien le dire qu'on le remercie beaucoup. Ouais, et puis après il y a aussi le dialogue hein, parce que il y a certains techniciens qui sont très bons mais des fois ils sont pas toujours à l'écoute des musiciens et c'est vrai que quand il y a un bon dialogue entre les musiciens parce que bon c'est pareil l'ingénieur du son lui ce qu'il veut c'est de capter le maximum et connaître son matériel donc il va demander aux musiciens de sortir de sa zone de confort et des fois c'est pas évident et ça perturbe le musicien mais il faut savoir aussi que si le musicien joue exactement comme il le fait habituellement ça va être le technicien. Donc, et après, il faut trouver le compromis. Et c'est en discutant qu'on arrive à trouver voilà, on peut faire un essai d'une manière, comme le musicien disait. On essaye de la manière dont l'ingénieur disait. Et puis après, on va peut-être essayer de trouver un compromis entre les deux pour faire ressortir telle chose ou telle autre chose. Donc, c'est vrai que c'est très important. Et s'il n'y a pas un bon dialogue, on n'arrive pas à faire un bon travail, quoi. Mais c'est vrai que le travail de cet album nous a fait, je pense, progresser aussi énormément. Parce qu'on n'avait jamais travaillé comme ça, même les enregistrements au métronome au départ, etc. Ça a été compliqué pour nous parce qu'on est justement dans le live et même les répétitions, etc. Et là, ce travail-là, plus minutieux, je pense que ça va nous faire progresser pour nos futurs concerts. Ah oui, c'est ce qui est intéressant aussi au niveau des enregistrements, c'est que le live, voilà, on sort le morceau. Il est fait, c'est fini. Là, l'enregistrement, on y revient, et on réécoute, et on retravaille. Et puis, voilà, donc c'est quelque chose qui forcément fait progresser aussi les musiciens, ça j'en suis sûr. Ça demande de la rigueur. Voilà. Donc c'est vrai que le live, c'est une belle chose, l'enregistrement, c'est autre chose. Mais quelque part, les deux vont bien ensemble. On a besoin des deux, je pense. Et puis, quand vous êtes en concert, les gens vous demandent souvent, peut-être, si vous avez un CD ou quelque chose pour amener chez eux. Non? Donc, ça nous est déjà arrivé. Donc, c'était, jusqu'à présent, c'était pas possible. C'est pas possible. Maintenant, ça va être bon. Va être possible, ouais. Très bien. On écoute le deuxième morceau de cet album. Oui. Comment il s'appelle? Alors là, je ne sais pas dans l'ordre. j'ai mis en mode avion. Derry au Belfast. Derry. De Derry à Belfast. Derry à Belfast. Voilà. Ah ben voilà. Derry au Ah ouais, moi j'ai O à la place. Ah oui, ah, c'est des rappels facés, ouais. Bah oui, c'est irlandais. Hein. Ouais, c'est irlandais, ouais, c'est vrai que moi je crois que c'était irlandais, moi, le O avec un tréma dessus. Ah oui. Bon. C'est comme ça que ça apparaît sur mon lecteur, mais des fois il y a aussi des petits trucs qu'on ne comprend pas toujours. Mais c'est comme ça. On l'écoute le morceau et puis juste après on en reparle alors. Ouais. On fait comme ça, c'est parti. Thank you. deuxième morceau de ce nouvel album. Le groupe Narcose est notre invité de cette émission numéro 531 et on vient d'écouter donc le deuxième morceau qui s'appelle De Derry à Belfast et on va leur demander de nous en parler de ce morceau-là. Oui. Ça oui. Faut demander ça au chef. Au chef. Donc, chef c'est ses souvenirs de vacances, alors c'est à lui de parler. Hein. Ah d'accord. Ouais, donc, en fait, je suis allé, nous sommes allés en Irlande avec mon épouse et mes fils. C'est un pays que j'aime beaucoup. Mmh. J'ai toujours été attiré par ce pays. Et on est monté jusqu'en haut en Irlande voir la chaussée des géants, pour ceux qui connaissent, la pochette de Led Zeppelin, The House of the Holy, où les petits enfants qui montent là, sur les rochers en forme hexagonale. Mm-hmm. Donc on est passé par là, puis on est allé jusqu'à Belfast. Et on s'est aperçu que cette ville était une ville meurtrie. Il y a les 99 portes qui sont là, qui sont ouvertes, il y a des barbelés encore, il y a des peintures sur les murs qui font référence à certains événements qui ont été durs pour la population, on va dire guerre civile, l'IRA, la police britannique qui a tiré aussi sur la population. Hein, donc, on est passé dans un quartier. Alors il y a des quartiers qui sont très très, on va dire, fermés. Maintenant il y a une porosité entre ces quartiers, mais il y a des quartiers, on va dire, irlandais, républicains, catholiques. Et d'autres quartiers juste à côté sont, on va dire, unionistes, hein, pro-britanniques et protestants. Et on a été interpellé dans un quartier donc britannique, hein, d'Irlande du Nord, avec des Union Jack partout, des drapeaux du Royaume-Uni sur les murs, par trois personnes à moitié éméchées et qui nous ont bien fait comprendre que nous n'étions pas en Irlande, mais bien en Irlande du Nord. Bon, j'ai fait comprendre à un des personnages qu'on était là en tant que touriste, oui, tout simplement, qu'on ne voulait pas trop se mêler de leurs affaires, même si ça nous touche, hein, l'histoire de l'Irlande, c'est encore récent. Il faut savoir que le dernier attentat, c'est l'attentat de Doma, et c'est 1998, donc c'est encore assez ça fait peu de temps, hein, et était assez meurtrier. Et voilà, quand on traverse de Derry à Belfast, eh bien, on sent ce vent, ces gens qui ont aussi souhaité s'émanciper de l'Empire britannique. Hein, c'est pas que 1916, hein, c'est la première révolution irlandaise. Et voilà, bon, après, je ne vais pas faire toute l'histoire de l'Irlande. Et c'est assez touchant. Hein, c'est très touchant. Quand on passe, par exemple, quand on est à Derry, qui est à la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, les Irlandais du Nord appellent la ville Londonderry. Mais pour un Irlandais du Sud, c'est Derry. Et sous les panneaux, c'est toujours c'est toujours barré, quoi. Et puis il y a les drapeaux d'Irlande du Sud, de la République d'Irlande en Irlande du Nord, dans les maisons, sur le bord des routes, pour voilà, il y a une envie de rattachement d'une partie de la population à l'Irlande, à la République d'Irlande. Voilà. Très bien, donc c'est bien d'en parler parce que c'est vrai que on en a parlé pendant pas mal de temps, mais c'est vrai que depuis quelques temps, bah, c'est un petit peu plus calme peut-être, mais quelque part il y a les cicatrices qui sont restées, quoi. Oui. Et c'est tendu, on sent que c'est tendu. C'est quand encore même. Tendu, encore aujourd'hui. Ouais, il faut. On a l'impression avec le Brexit. Ouais. Ah oui, en plus, ouais. Oui, ça. Ça a ravivé quelques tensions. Enfin, pas trop quand même, heureusement. Pour l'instant, ouais, il faut pas que ça pète parce que bon, franchement, il faut qu'on arrive à vivre ensemble. Exactement. Même bon, après, on parlait tout à l'heure des religions. On parlait aussi, bon, c'est pas que ça. Il y a aussi politique. Hein, c'est très politique. Oui, aussi. Politique. Oui, voilà, oui. Il y a plein de choses que on a séparé les gens, et alors qu'en vérité, ben, on est tous faits pour vivre ensemble. Et puis, quel que soit le truc. Mais bon, effectivement, moi, je sais que ce que tu me racontes là, c'est des choses que j'ai senties aussi dans d'autres pays où il y a eu des guerres civiles. Par exemple, quand on va à Sarajevo et tout ça. Voilà, on arrive sur des trucs, on se dit, mais mince, et les gens se. On arrive après les événements, et puis on se dit, c'est encore présent. Les gens, ils ont vécu des guerres civiles, ils n'ont pas envie de les revivre. Je crois qu'ils en ont marre. La guerre, personne n'aime ça. Mais finalement, et ce qu'on voudrait, c'est essayer de cohabiter. Mais bon, ce n'est pas toujours évident, parce que quand on n'est pas d'accord sur certaines choses, voilà, le truc, il est là. Puis là, on imagine aussi actuellement le conflit dont on parle le plus, c'est en Ukraine, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des conflits sans arrêt. C'est sans arrêt qu'il y a des problèmes dans le monde. Et puis, ce qui est un petit peu dommage, parce que bon, ça va être la religion, ça va être la couleur, ça va être plein de choses différentes. Et bon, c'est surtout le pouvoir aussi. Oui, oui, parce que finalement, c'est les gens qui se connaissent qui envoient des gens se battre à leur place, qui se connaissent pas. Voilà, le truc il est là. Donc ceux qui s'entretuent, bah c'est pas les gens qui ont décidé. Voilà, c'est ça. Donc bon, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà. Mais un très bon sujet en tout cas. Ça m'a bien plu. J'ai écouté deux fois votre album, parce qu'effectivement, moi, j'aime bien m'imprégner. Et quand on écoute une première fois, voilà, on a des petites idées comme ça, mais sans plus. Donc, j'ai pris le temps cet après-midi. Je me dis, tiens, j'étais à la maison. Pendant que je faisais autre chose, j'ai mis l'album bien fort. Hein, moi, quand j'écoute. Hein, j'écoute pas sur mon portable, j'écoute pas sur mon MP3. J'écoute ça sur une bonne... Sous la douche aussi. Une bonne chaîne. Donc, voilà, avec le son le plus réaliste possible. Et donc, oui, j'ai écouté et j'avais bien compris ce truc là sur Belfast, sur l'Irlande du Nord. Voilà. Très bien. Ça, ouais. Bon, bah, un très beau sujet encore, et puis bien développé, et une belle chanson. Hein. Merci. Elle passe bien, celle-là. Elle passe bien. Bah, la radio, bien, ouais, ça passe. Super bien, très bien. Très bien. Ah, donc on a encore pas mal de morceaux à écouter, et en plus comme on est bavard, eh ben on voit que l'émission avance très vite, hein, on est déjà presque à la moitié, mais bon, quand l'émission passe vite, c'est qu'on s'ennuie vraiment pas. Et donc ce soir on reçoit le groupe Narcos et on va découvrir tout leur univers. On s'en envoie juste après encore. Le prochain c'est Bordel Blues, c'est ça. Vous voulez en parler d'abord ou après? On fait comme d'habitude, après ? Ouais, après. Voilà. Très bien. Le morceau Bordel Blues, on va l'expliquer juste après. C'est parti. J'arrive à la quand il regarde dans mon dos, vu mon état, je dois pas être beau. Mais rien à foutre et à quoi bon, c'est une bande de copains, une bande de cons. Je rentre, j'ai envie de dégueuler, mais je suis seul, y'a personne pour m'engueuler. Tu te déjà le troisième morceau de cet album de Narcos, hein, donc un album qui n'a pas de titre puisque c'est le premier, mais dans les prochains il y aura peut-être un titre, hein, donc pour les différencier du moins, ou alors on l'appelle le numéro 1, le numéro 2, comme les Beatles, ou comme les Zeppelin. Ouais, les Zeppelin aussi, ouais. C'est ce que je pensais aussi. Moi aussi. Donc voilà, il y en a certains qui ont simplement numéroté, hein, comme nous dans l'émission Mavrica, on numérote toutes les émissions, comme ça me permet de retrouver. Et c'est vrai que je m'en sers beaucoup parce que des fois je reçois des groupes, je dis tiens, vous étiez déjà venu il y a quelque temps, donc je retrouve le numéro à partir de là. Ben moi je garde tout, hein, sur des disques durs. Il y a tous les morceaux qu'on a diffusés dans cette émission, il y a les lives quand il y a des lives, les enregistrements, il y a les photos, etc. parce qu'on va prendre des photos à la fin de l'émission. Et en plus, je voulais aussi remercier notre ami Florent, c'est la personne qui s'occupe des podcasts de l'émission Mavrica, mais pas seulement, de toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel. Donc Florent, je sais qu'il est à l'écoute, hein, comme tous les vendredis soirs. Donc on lui fait un petit coucou et puis on le remercie pour tout le travail qu'il fait. Et très prochainement, donc il y aura le lien sur la page de l'émission Mavrica, donc Mavrica Albino. Et vous pourrez aller écouter l'émission si vous l'avez loupée. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez la réécouter. Et vous pouvez aussi la télécharger et la conserver pour la faire réécouter dans 10 ans, 5 ans. Voilà, ça c'est important aussi. Donc on remercie notre ami Florent. Donc on va continuer à parler de cet album. Alors l'album, il a 8 morceaux, c'est ça. Combien de morceaux vous êtes capable de jouer lors d'un concert avec les reprises tout compris? 25 morceaux à peu près. 25 morceaux. 25 à 30. Alors il y a des morceaux à vous, il y a aussi des reprises que vous faites. C'est ça. On a à peu près moitié reprise et moitié composition. D'accord. Vous pouvez peut-être nous citer quelques reprises que vous faites. YouTube, par exemple. YouTube. Les Beatles. On vient en Irlande. Queen. Là, maintenant, c'est l'Angleterre. On a quoi, ACDC. Oui. Deep Purple. Oui. Steppenwolf. Steppenwolf, ouais. Du coup, oui, Queen. Des choses qui sortent un peu plus des sentiers battus, comme Klaus Empor, ou un chanteur danois, Ride Upon the Storm, ou The Handsome Family aussi. C'est. Une sorte de morceau un peu plus, ça c'est un morceau de folk rock un peu. Johnny Cash aussi. Ouais, voilà. David Bowie. Oui. Ouais, on prend. Ouais. Space Oddity de David Bowie. Et puis. Pendragon aussi. Pendragon aussi, un groupe anglais qui fait du rock progressif. D'ailleurs, que je recommande à tous les amateurs de rock progressif. Voilà, c'est un morceau de l'album Indigo de Pendragon. Et puis. The Stooges. Ouais, les Stooges, oui, oui, bien sûr, ouais. Louis Louis, c'est toujours super efficace. White Stripe. White Stripe, bon, ça, voilà. Alors, pour mettre l'ambiance. C'est des groupes qui vous ont inspiré, ça, qui. Ouais, oui, bien sûr. Ouais. Oui, ça, c'est. Il y a eu une période, on jouait aussi Jethro Tull, aussi, entre autres Aqualung. On a joué du Pink Floyd aussi. Ouais, on va refaire une Pink Floyd. Ouais, on travaille du Scorpion là. On reprend Wind of Change. D'ailleurs, c'est un peu d'actualité. C'est pour ça qu'on a tenu à la jouer aussi. Voilà. Puis c'est Stéphane aussi qui voulait. En fait, on essaye de faire aussi des morceaux qui nous plaisent, mais qui parlent aussi à tout le monde. C'est ça, parce qu'on est d'univers, on vient d'univers différents au niveau. Au niveau de nos goûts, et c'est vrai, bon, bah, on essaye de trouver un peu un terrain d'entente, et on se projette aussi par rapport au public, parce que bon, si on leur sort un morceau de, je sais pas moi, de Megadeth, ça va certainement pas inspirer tout le monde. Ceux qui aiment, ils aimeront. Oui. Mais bon, c'est vrai que tout le monde n'écoute pas forcément de la musique comme ça. Voilà. Puis bon, moi, à la guitare, je joue pas comme Dave Mustaine. Enfin, si j'arrive à faire quelques morceaux, mais quand je jouerai comme lui. Bah, chaque guitariste, chaque musicien a son style aussi. Hein, donc, il y a des choses, effectivement, qui peuvent être imités, hein, mais jouer exactement de la même manière qu'une autre personne, ça sera jamais vraiment possible. Hein, mais bon. Et puis il y a des morceaux que l'on reprend et que l'on reprend à notre manière, c'est-à-dire qu'on réarrange. C'est là où ça devient vraiment intéressant, d'ailleurs. Oui, oui. Plus que d'essayer de coller à ce qu'on entend, de toute manière, on n'a pas le niveau. Hein, on n'est que des amateurs, quand même si on joue pas mal, quand même, dans l'ensemble. On n'est pas des pros, c'est pas notre vie, on fait pas que ça, on a un job, enfin, pas tous. Il y en a qui sont retraités, mais voilà, donc vouloir faire exactement comme les pros, on n'y arrivera jamais. On n'a pas le matos, on n'a pas le niveau. Donc on les fait à notre manière, et ça c'est beaucoup plus intéressant. Bah, de toute façon, il y a aussi des groupes de covers qui reprennent, par exemple, qui reprennent des morceaux d'un groupe. Par exemple, ils choisissent un groupe, ils reprennent tous leurs morceaux, ils essaient le plus fidèle possible au niveau du son et tout ça. C'est un autre travail. Par contre, vous prenez les morceaux qui vous plaisent et vous les adaptez à votre style. Surtout aux Beatles, on l'a bien tordu quand même. Oui. la version a fait plus gros hard rock. Moi j'aime bien aussi découvrir des fois des chansons. Des fois je vois des reprises qui sont faites. Hein. Heureusement aujourd'hui sur Internet on peut naviguer un petit peu et on voit plein de gens qui font des reprises qui sont connues. Et on les écoute d'une autre manière, on dit waouh, c'est pas mal parce que franchement le morceau il est bien, ça le dénature pas parce qu'on le reconnaît, mais quelque part il est complètement interprété d'une autre manière. Et c'est bien. Le gros exemple, c'est on reprend Hurt de Johnny Cash, qui n'est pas une chanson de Johnny Cash au départ, qui est du rock indé. Nine Inch Nails. Et c'est lui, il en a fait une adaptation. Nous, on essaye de coller plus à la version de Johnny Cash, mais quand on écoute les deux versions, on n'a pas l'impression que c'est la même chanson. Ouais. D'accord. Tout comme Jimi Hendrix avec Blue Sweet Shoes, ça n'a rien à voir avec la version originale, en fait. Même Johnny B. Goode aussi, interprété par Jimi Hendrix. Judas Priest. C'est pas du tout Chuck Berry, quoi. Les deux versions sont aussi plaisantes l'une que l'autre, quoi. Et puis des fois, on a envie d'écouter plus d'une manière, d'autres fois plus d'une autre. Et puis c'est aussi un clin d'œil quand, par exemple, des artistes qui sont plus récents, qui reprennent des chansons d'artistes qui les ont inspirés, forcément peut-être dans leur enfance ou un truc comme ça. Donc c'est un hommage à des artistes plus anciens. Je trouve que c'est bien aussi, quoi. Mais des fois, on peut leur mettre au goût du jour, et puis avec le style différent du musicien qui le reprend, quoi. Par exemple, le morceau de Pendragon, c'est quand même un morceau assez complexe, quand même d'un niveau assez élevé. Là, on essaye quasiment de leur produire comme dans l'album, sauf qu'on n'a personne pour faire du synthé. Il y a eu quelques adaptations avec la Iri qui essaye de reprendre qui reprend les lignes de synthé avec sa guitare. Bowie, on l'a refaite à notre sauce, mais à quasiment, ça ressemble beaucoup à la version originale. Bon, on s'en rapproche. Queen, elle est déjà, elle est transposée. Elle n'est pas dans la même tonalité. Je suis pas Freddie Mercury. Voilà, il a bien fallu trouver des subterfuges. Donc on a transposé et puis on la joue peut-être un peu plus rock. Puis on n'a pas le c'est I Want to Break Free. On n'a pas l'intro synthé. Mm-hmm. On l'a fait en guitare avec des effets. Il y a tout un travail aussi. Par exemple, le morceau de U2, moi je suis assez content et fier de notre reprise Elle est vraiment particulière. On l'a fait vraiment rock planant, et toute une entrée planante où on fait durer. Et puis à la fin, ça se finit un peu plus musclé. On monte en pression tout le long du morceau. Voilà, il y a tout un travail d'adaptation où quand on écoute la version originale et notre version, c'est assez différent. Moi, je suis assez content de notre version qui plaît beaucoup d'ailleurs. Les gens aiment beaucoup. Ils sont assez réactifs. Rien que l'introduction, ouais. Elle surprend un peu. Les gens, ils demandent un peu ce que c'est, ce qu'on va jouer. Le morceau, il se fait au fur et à mesure des mesures. Et puis après, les gens, ils se rendent compte que c'est le morceau de U2. Il y a le petit gimmick au piano dans la version originale. Il est repris à la guitare. Ouais. Et puis. Pareil, il est transposé, on ne joue pas dans la même tonalité que U2. Donc le fait de transposer parfois un morceau va changer aussi la coloration d'un morceau. Ça change. On met un capot, moi je suis sur les accords en bas de manche, les accords inversés. Donc ça donne complètement une autre couleur par rapport à la version originale qui est plus, Disons qu'elle est assez pop, que nous, elle est plutôt hard. Il y a une partie progressive et puis une fin. Ouais. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que le groupe Narco, c'est quand même l'ADN, c'est nos créations, nos compositions. C'est pour étoffer. Et puis, c'est vrai que ça nous a permis de nous connaître aussi, de travailler ensemble, de faire des reprises. Mais l'originalité, entre guillemets, parce qu'on n'est pas les seuls quand même à faire ça, mais il y a beaucoup de groupes qui tournent en faisant que des reprises. Mmh. Nous, on compose. Et je voudrais que ça soit bien clair pour tout le monde. On a nos morceaux. D'ailleurs, on a notre album. Merci d'ailleurs à la radio Arc-en-Ciel de les diffuser et de nous avoir invités. C'est l'ADN quand même de notre groupe. C'est ce que l'on fait, nous, notre production, ce qui permet de donner aussi des messages. Et puis, c'est notre musique, quoi. Mmh. Très bien. Moi, je trouve que c'est bien de le dire parce que moi, je sais que j'aime bien quand les groupes font des reprises, des choses comme ça. Mais quand ils ont leur morceau, ça, c'est vraiment vous. Vous n'imitez personne. C'est votre style à vous. Vous le sortez comme. Ce qui est compliqué, on est partagé parce que c'est vrai que sur scène, quand on refait un AC/DC, tout de suite, le public peut se lever, etc. Ça parle. Nos morceaux, pour l'instant, ne sont pas connus, donc on n'arrive pas. C'est plus difficile à communiquer avec le public, avec nos propres compositions, même si moi j'aimerais à l'avenir ne faire que des compositions, que nos chansons à nous. Mais c'est vrai que quand on fait Born to Be Wild, Steppenwolf, ça marche. Hein. Oui, tout le monde efficace, connaît, tout le monde, tout le monde reprend. Seven Nation Army, il n'y a pas de problème, quoi. On est sûr d'emporter le public. Quoi. Smoke on the Water, en plus, on la joue quasiment. C'est pareil, là, s'il y a bien un morceau qu'on fait quasiment comme sur la version originale, la dernière fois qu'on l'a joué, ou l'avant-dernière fois, je ne me rappelle plus, les gens se sont levés dans le bar, au road trip café à côté de. À Noyer-sur-Cher. Voilà, Noyer-sur-Cher, où les gens se sont levés, ça s'est mis à applaudir et tout, c'était génial. Alors, le jour où ça fera ça sur Made in China, notre chanson, tu vois, ça va arriver, ça va arriver. J'y pense. On a quand même, je voudrais saluer notre fan club. Ouais, Edith et Gabriel qui se déplacent quand même depuis et deux qui ans. Viennent de Fleury, hein, qui sont Qui viennent de Fleury les Aubrais. Je pense qu'elles doivent nous écouter. Je suis sûr qu'Edith nous écoute ce soir. J'espère qu'elle fera ça. Gros bisous à toutes les deux. On vous réserve le numéro 1, le CD, rien que pour vous. Voilà. Dédicacé en plus. Oui, bien sûr. Super, en tout cas. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir. Moi, je vois, par exemple, on parlait tout à l'heure de plein d'artistes différents. On a parlé tout à l'heure aussi des Red Daft que vous connaissez aussi. Mmh. Et c'est vrai que moi, quand je vois les Red Daft, il y a toujours leur équipe qui est avec eux, les gens qui connaissent les chansons par cœur. Ça fait plaisir. Et c'est vrai que ça doit drôlement booster un groupe de savoir qu'il y a des gens qui vont les suivre. Quel que soit le concert où ils vont, ils sont là derrière eux. C'est super émouvant. La première fois qu'on avait joué pour la fête de la musique à Fleury-les-Aubrais, donc c'est là qu'elles nous ont. On va jouer à Châteauneuf, elles sont encore là. On va jouer dans le 41, elles sont. Et elles ont loupé aucun aucun concert. Non, c'est, aucun concert, c'est fantastique. Ouais, fantastique. Ouais. C'est vraiment, puis, moi, pour moi, ça m'émeut à chaque fois de les voir. Ouais, et puis il y a eu une bande de concerts quand même entre temps. Hein. Je pense que. Je dirais peut-être pas. Mais elles connaissent mieux les chansons que nous, hein, moi. Elles connaissent mieux les paroles que moi. C'est ah, ça peut aider aussi, hein, si jamais il y a un trou. Oui, oui. Il y a d'autres compositions. On en a encore, je sais pas, on les a pas mises dans l'album, mais Namur, déjà, il y a Antares, qui est en train de se préparer. Nomor Roses. Nomor Roses. Une chanson pas Namur, on l'a dit, oui. Et puis il y en a d'autres encore. Il y en a d'autres qui végètent depuis des années. Qui peuvent être. On va faire un deuxième album. Ouais, Mercenaires aussi. Mercenaires aussi, ouais, qui est un bon morceau. Ouais. Je pense qu'on va la rebosser. Ouais, elle va devenir Wagner maintenant. Très bien. Donc on a oublié de parler aussi du morceau qu'on a écouté tout à l'heure. Donc c'est un blues, hein, le bordel. Ah bon. On en parlera après. Puis on est parti sur autre chose. Mais je me suis dit, il faut qu'on revienne quand même sur ce morceau-là. Donc ce morceau-là. Là, c'est un morceau de blues et voilà, et ça parle de quoi exactement? Bien, voilà. Bah, alors, les paroles sont de Pascal, c'est pour ça qu'on dit. Non, mais je vais laisser la parole à. C'est vraiment un morceau qui nous tient à Stéphane. À Stéphane. Nous tient à cœur parce qu'en fait, c'est le premier morceau qu'on a travaillé à quatre. Donc là, c'est vraiment un morceau partagé. On a tous travaillé dessus. Mmh. Donc, les paroles, c'est Pascal. On a tous fait notre partie sur ce morceau-là. Et quand je suis arrivé, moi, je venais d'un monde un petit peu jazzy. Parce que je venais du monde jazz. J'ai connu Bertrand qui me dit « Tiens, il manque un bassiste, est-ce que tu peux venir ?» Et puis quand je suis arrivé, ils m'ont dit « Il y a un petit morceau de blues là qui nous attend et on ne l'a pas encore vraiment bien développé, donc on va peut-être le rebosser. » On l'a bossé. Ouais, c'est le morceau qui... C'est la deuxième vie de Narcose, en fait. Il y a une première partie, il y avait Olivier qui jouait la basse, puis bon, mais... Il est parti, il nous a quittés, Olivier, si, si tu nous entends là-haut. Il est parti dans une autre direction. Voilà, quoi, voilà. Il avait d'autres impératifs. On s'est quittés en très bons termes, d'ailleurs, on se revoit de temps en temps. Et puis, c'est vrai qu'il y avait ce morceau un peu en plan, on s'est retrouvés tous les trois, et puis là, bon, voilà. Puis avec un texte un peu bizarre. Bon, alors le texte, c'est Pascal. Moi, je ne suis pas responsable. Alors, là, Pascal, on te laisse le... D'accord, donc le texte. Bah oui, bah, le texte, en fait, voilà, c'est complètement imaginaire. Je crois que c'est de la suite d'une émission de télévision qui traitait sur les lupanards, les bordels qu'il y avait à la fin du 19e siècle dans Paris, où il y avait toute la haute bourgeoisie avec Toulouse-Lautrec, ils allaient traîner dans ces endroits-là. Et puis je me suis imaginé un client qui allait dans ces endroits-là, mais j'ai retransposé ça. À notre époque. À notre époque, ouais. Et il a fait la fête. Et puis quand il est sur le chemin du retour, il a bu beaucoup de champagne. Il a bu, il est pas très bien. En plus, il fait froid, il pleut, tout ça. J'ai essayé d'imaginer un petit peu toute l'ambiance qu'il y avait sur son chemin de retour, jusqu'au moment où il arrive chez lui. Et puis finalement, je suis bourré, mais enfin bon. Je suis célibataire, il n'y aura personne pour m'engueuler à la maison, quoi. Ah oui, je peux rentrer comme ça, tranquille, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est complètement imaginé, quoi. C'est... D'accord, mais on voit l'atmosphère, en tout cas, on se met dedans, et puis ça va bien avec un morceau de blues, parce que Mais au départ, moi, je l'avais imaginé comme un blues, mais un blues traînant. Ils ont fait un truc un petit peu joyeux et tout. Puis j'ai dit, on revient du bordel, c'est bien, on est bourré. Et puis, on parlait tout à l'heure. C'est joyeux, quoi. Des morceaux qui sont légèrement modifiés au niveau de la tonalité, ou des fois, simplement la vitesse. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi des fois qui jouent un morceau d'une certaine manière et en concert on a toujours tendance à vouloir jouer un peu plus vite, je sais pas pourquoi. Mais quelque part ça permet aussi à des morceaux d'évoluer qui sont au départ des chansons lentes qui deviennent à la fin des morceaux plus rock'n'roll, simplement parce qu'on a accéléré puis on a joué un peu plus fort et puis finalement ça fait partie des choses aussi, hein, donc c'est comme ça que les morceaux se modifient. Et en tout cas ce qui au début devait être un blues très très cool, c'est devenu festif, quoi. C'est plus, un petit peu plus festif. À champagne. Très bien, donc voilà, on a parlé de ce morceau-là, et on a encore plein à découvrir, donc on va essayer de pas trop traîner, parce que sinon on va se retrouver à la fin de l'émission. On reviendra. ça arrive assez souvent, quand j'ai reçu la Jarry, on a passé plein de morceaux, et puis il y en a un qu'on n'a pas eu le temps de passer, mais que j'ai passé la semaine d'après. Mais quand les gens parlent, quand ils ont envie de partager des trucs, je trouve que c'est super bien et on peut pas interrompre ça. Il faut vraiment qu'on écoute l'histoire. C'est comme ça qu'on s'imprègne un petit peu du groupe, qu'on connaît un peu les gens. Et puis j'espère que les auditeurs ce soir, bah, ils ont découvert le groupe Narcose et qu'ils auront envie d'aller les voir prochainement en concert, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est que les gens aillent les voir. On les attend. Voilà, il faut aller voir. Il faut sortir. Hein. En ce moment, il fait un petit peu froid, mais on va les réchauffer. Il faut faire l'effort de sortir. Et puis après, vous allez te réchauffer. Vous allez voir avec la bonne musique. Il n'y a rien de mieux. Et puis, à la fin des concerts aussi, vous aimez que les gens viennent vous voir et qu'ils discutent un petit peu. Oui, puis on boit un coup. Oui, voilà. Alors, on joue, par exemple, le 14 janvier à Blois, au Café Pop. Et puis, le 28 janvier, au Café Aubéry, à Vierzon. Et puis, on a encore Shop et Compagnie à Chartres, donc le 3 mars. À 20h, c'est un vendredi soir, et j'ai encore un autre concert, et le Road Trip Café, on va retourner chez nos amis bikers le 18 mars, c'est un samedi soir, voilà. Et puis d'autres de programmés aussi qui arrivent, certainement l'Octopub à Saran, très bien, donc. Salut Valentin, au passage, et puis. Le bistrot, donc c'est un peu notre fief. Voilà. Ok, très bien. On écoute encore un autre morceau. Ah bah bien sûr. Il faut qu'on avance un petit peu. Morceau, alors le prochain, c'est Schizophone Killer. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors ça parle de quoi ça? Oh, c'est une chanson sur l'amour, sur les fleurs, sur les papillons. Oui, c'est pareil. Hein. Faut pas faire attention au titre qui est un peu noir, mais les paroles de chanson, je vous laisse découvrir. Vous allez voir, c'est très gay. Oh, on parlera après. Oui. Je poursuis ce chemin complètement. Iso Funk Killer. Voilà, donc le morceau des Narcos qui sont nos invités de cette émission numéro 531. J'espère que ce chiffre vous portera bonheur pour la suite, hein, parce que voilà. Donc c'est la date, c'est le numéro de la première émission dans laquelle vous venez. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant vous faites partie de la Mavericka Family, vous revenez quand vous voulez et on veut avoir de l'actualité. Donc parce que on va parler un petit peu des projets. Parce que on a découvert votre groupe, on a commencé à parler de cet album. Apparemment, vous avez d'autres morceaux que vous n'avez pas pu encore enregistrer. Donc, donc peut-être une idée d'un prochain album dans les mois, les années qui viennent. Oui, on espère. Oui, si on est là encore. Enfin voilà, quoi. Pour l'instant, il y a déjà cet album-là voilà, à défendre. On a déjà réussi celui-là. Ça fait un bout de temps qu'on veut le faire. Le groupe existe depuis 2013 et vous avez attendu 2022 pour le faire. Et puis moi, j'ai dit. Ça fait un an qu'on est dessus. Donc, après, il y a de quoi faire. On pourrait faire un deuxième album facilement. C'est sûr. Ouais. Puis après, on fait un best-of. Après, le troisième sera le best-of. Là, on est en train de préparer. Et un live, une version live. On prépare un instrumental, là, ça s'appelle Antares, donc on est dessus depuis trois ans. C'est un morceau qui est un peu plus à l'enfin assez alambiqué, quoi. Mais voilà. Il faut se dépêcher, parce que moi je vieillis, les gars. Ouais. et puis il y a aussi des morceaux que vous avez sûrement composés, que vous avez mis dans les tiroirs, parce que c'est il y a des choses qui sont pas encore abouties, des choses que vous n'avez pas trouvées. Et puis quelques temps après, deux ou trois ans après, peut-être vous avez une nouvelle idée, vous le ressortez, vous le retravaillez, et puis là cette fois-ci ça marche, et puis ça y est. Et après, il y a aussi des morceaux que vous avez tellement joués qu'au bout d'un moment, vous les mettez un petit peu à s'enlacer. Ouais, vous enlacez, vous les mettez un petit peu de côté, vous le jouez un petit peu moins en concert, et après ça peut revenir. Voilà, il faut savoir que vous êtes des êtres humains et que la musique est vivante et que il y a des fois vous avez envie de mettre des morceaux de côté, et puis des fois vous avez envie de les ressortir tout simplement. Voilà. Ouais, on en a quelques-uns. On en a pas mal même. Hein. Oui. Au fond du tiroir. Ouais, au fond des tiroirs, ouais. Il y en a. On reprendrait les morceaux qui ont été créés dans du temps de Zespol. Il y a plein d'autres qui ont été composés à une époque qu'on n'a pas repris, qu'on n'a pas les. Enfin, ouais, il y en a certains qui pourraient être repris, je pense, qui étaient pas mal à retravailler. Mais vu qu'il y a d'autres idées qui arrivent, et puis c'est une photographie au fait d'une époque qui n'est peut-être pas la nôtre, c'est-à-dire une époque du groupe. Alors que les Espoirs, c'est pas Narcos non plus. On a choisi de renommer le groupe, de partir sur d'autres bases. On a repris deux morceaux qu'on écoutera tout à l'heure, Steve Jones et Made in China. Qui étaient des morceaux qui se jouaient à cette époque-là. Voilà. Ces morceaux qu'ont moins une dizaine d'années, ça. Ils sont rodés. Voilà. Ok. D'ailleurs, on adore les jouer, ça. Et après, on parlait aussi des carrières des groupes. Et c'est vrai qu'il y a certains groupes qui ont le même nom depuis 20 ans. Et en vérité, si on regarde les membres, ils ont changé. Il n'y a plus aucune personne qui était là à l'origine. Donc après, effectivement, c'est un projet qui a évolué. Et finalement, même avec le changement de nom de membres, on garde le même nom. Mais bon, finalement. Et vous, non. Vous avez dit, on passe à autre chose. On change de membres. On change. Par contre, il y a des morceaux qui peuvent, que vous avez récupérés, simplement. C'est ça. Bah oui, c'est ce qu'on s'était dit avec au départ avec Eric puis Pascal, on avait dit on refait quelque chose, on voulait pas surtout Eric et moi, enfin on voulait pas que ça s'appelle comme l'ancien groupe. On fait autre chose, même si ça ressemble quand même beaucoup, mais voilà, on voulait pas. Et en fait, quand on fait aussi une recherche sur Google, si vous tapez Zespol Rock, c'était le nom du groupe, Zespol, ça veut dire groupe en polonais. D'accord. Donc on sortait pas tellement du lot, en fait, quand on cherchait Zespol Rock. Ouais, c'est vrai que c'était difficile, ouais. Alors que Narcos, quand on tape Narcos... Narcos Châteaudun, ça va bien. Vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'autres groupes connus, personne, enfin pas à notre connaissance. Donc au moins, on peut sortir du lot. C'est vrai que Zespol, tous les groupes polonais ressortent, là. Ouais, ça veut dire groupe. C'est vrai que Narcos, en plus, c'est pas peu fréquent et c'est facile à retenir. Il y a deux syllabes, Narcos, etc. Ça nous a permis aussi de faire une image autour pour l'album, etc. Et pourquoi le nom en polonais à l'origine Parce qu'il va en Pologne, il va pas qu'en Irlande. Bertrand va aussi en Pologne. C'était avec mon boulot, j'allais en Pologne régulièrement et le premier mot que j'ai réussi à comprendre sans qu'on me le traduise, vodka. Mais j'avais compris que ce mot qui était un régulier sur c'était Zespo, mais ils disent pas Zespo, ils disent Zespo parce que c'est un L qui est barré. On m'appelle, c'est le wa en polonais, comme Michał. On va dire Michal, nous, en français, mais Michał, c'est le L barré. Donc, on cherchait un nom, puis on s'était dit, groupe. groupe. Et je trouvais que ça sonnait bien. Ce Les Paul, ça fait penser à Les Paul, à la guitare, Les Paul. C'est pareil, c'est facile, puis c'était assez, on va dire, original, comme si on n'en entendait pas trop. Et le problème, comme le relatait Eric, c'est quand on tapait Les Paul Rock sur Internet, on se tapait plein de liens sur la Pologne, plein de groupes de. En plus, ils font beaucoup de musique là-bas. C'est très dense, c'est ce qui se fait en Pologne en musique. Donc, on ressortait pas de ça. Mm-hmm. Très bien. Vous avez peut-être fait l'expérience aussi de taper Mavrika sur Internet. Vous tombez aussi sur des pays, sur un autre pays, hein, c'est la Slovénie. Parce que Mavrika, ça veut dire arc-en-ciel en Slovène, tout simplement. Je rappelle parce que. On n'est pas venu pour rien. Parce que quand j'ai fait les premières émissions. C'est pas une radio portugaise Si, mais étant donné que mon émission n'est pas orientée vraiment vers la musique portugaise, quoique, de temps en temps, si y a un artiste portugais qui a envie de venir, il n'y a aucun souci. Hein, s'il y a un artiste américain qui veut venir, il y a un groupe qui veut venir depuis un petit moment, c'est les Foo Fighters, je crois. Je ne connais pas, on va voir s'ils veulent venir. Ils ne sont jamais avec un nom comme ça, eux. Alors là. Non, je pense que ça ne marchera jamais. Enfin, s'ils veulent faire l'effort de venir jusque chez nous, on les recevra quand même avec beaucoup de plaisir. Non, ce que je veux dire, c'est que effectivement, j'avais fait les premières émissions et comme je n'avais pas de nom, je me suis dit, tiens, je vais prendre Radio Arc-en-Ciel, et puis je vais le traduire pour faire un clin d'œil à cette radio là, qui accueille cette émission déjà depuis bientôt 13 ans. Je voulais leur faire un petit clin d'œil, donc j'ai traduit en toutes les langues du monde, puis j'ai regardé celle qui me plaisait, quoi. Et Mavrika, ça me plaisait bien. Et en vérité, en slovène, ça se dit pas Mavrika, ça se dit Mavrica. Voilà, encore autre chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. C'est une Slovène qui me l'a dit. Mais bon, on a gardé quand même Mavrika, parce qu'au moins, c'est l'originalité. Et si on tape Mavrika, on tombe sur des arc-en-ciel, vous allez voir. Oui, ça veut dire arc-en-ciel en Slovène. C'est ce que j'ai fait avec Man in China, en chinois. Ah oui. En mandarin. D'accord. On en reparlera. On en reparlera parce que tout à l'heure, oui, on va écouter ce morceau-là aussi. En attendant, il y a d'autres morceaux qu'on n'a pas encore écoutés. On arrive. On en est à combien de morceaux déjà qu'on a diffusé de vous Donc on en a la moitié. Donc on va continuer avec le morceau suivant qui s'appelle Rorschach Vision. Rorschach Vision. Oui. C'est un morceau en anglais. Ce qui veut dire La vision de Rorschach. Ouais. D'accord. Le test de Rorschach, vous connaissez les tâches que. Ah oui, c'est ça. Voilà. D'accord. C'est un héros de Marvel Non, alors pas du tout. Pas Marvel. C'est les Watchmen. C'est les Watchmen. C'est le héros de Watchmen qui porte une sorte de masque de Rorschach sur la face et puis c'est un peu un anti-héros aussi quoi, c'est pas forcément c'est un justicier mais il a une façon de procéder pas expéditif ouais. C'est expéditif comme ça. Bon, ça se finit mal pour lui dans l'histoire aussi oui, hein, aussi. Donc, tant pis voilà, donc, mais la chanson elle se termine bien. La chanson se termine bien, le morceau il est très bon. Il est très bon. Ouais. On va l'écouter tout de suite, hein. Le mieux c'est ça. Hein. C'est parti, donc on écoute le cinquième morceau de cet album. We'll to kill, to fight. And now tears end when I'm afraid. I hide my hair where mother you did. De Radio Arc-en-Ciel avec nos invités, le groupe Narcos. On est en train de découvrir leur album. Alors c'est tout nouveau, tout chaud, hein. C'est sorti il y a pas longtemps. Et quelle est la sortie officielle justement de cet album? On espère janvier. Si janvier. Ouais, c'est tout se passe bien. Il n'y a plus que comment ça s'appelle là, le générer un fichier de pour pouvoir le faire presser sur CD. C'est le fichier D, Phil il serait là, il nous dirait. DDP, c'est ça, DDP. Ouais, c'est un peu DDP. Et après, on va l'envoyer à une entreprise qui va presser. Pascal s'est occupé de nous faire une belle pochette. Voilà. Et puis, donc normalement, selon les délais de pressage, je pense qu'en janvier, ça devrait le faire. Quoi. Donc là, c'est vraiment une exclusivité mondiale. Hein. Il faut quand même le dire. C'est ce que je dis. Je dis sur 96.2 FM Orléans, et je dis aussi dans le monde entier, parce qu'il y a Internet. Donc il y a Internet, radio-arc-en-ciel.fr. Voilà. Vous pouvez nous écouter partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et ça nous fait plaisir de savoir que de temps en temps, il y a des gens qui nous envoient des petits messages et puis nous écoutent à l'étranger. Donc continue comme ça. Hein. Nous, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui sont français, qui sont à l'étranger. Ils sont, ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, de personnes qui avaient vécu à Orléans, qui connaissaient un peu les groupes, et puis ils ont été à l'étranger. Et de l'étranger, ils écoutent Radio Arc-en-Ciel et l'émission Maverica. Pourquoi? Parce que ça leur rappelle l'endroit d'où ils viennent. Hein. Donc avec des groupes qu'ils connaissent et d'autres qu'ils découvrent. Voilà, sur Orléans, c'est un petit peu la référence quand même. Hein. Il faut quand même bien le dire. Voilà, on a parlé des projets, déjà cet album, il faut le faire presser, ça va sortir au mois de janvier. Il sera aussi sur toutes les plateformes, non? Pour le moment, on en a parlé de la partie plateforme. Je pense que ça sera l'étape suivante, ouais, peut-être. D'accord. Ouais. Donc là, pour l'instant, c'est d'avoir un CD. Voilà. Le CD, on pourra se le procurer où? Quand on fera nos concerts, on va voir si on peut le s'il peut être distribué. Le commander par Internet aussi. Le commander par Internet, c'est impossible. Puis après, peut-être dans certains magasins, on va déposer quelques-uns, on va faire une convention pour voir sur Châteaudun, je pense. J'ai vu quelques adresses. Je pense qu'on va pouvoir certainement pas faire de pub. Je m'avance pas, donc. Là, pour l'instant, c'est des projets. Et je pense qu'il y a certainement, on va pouvoir avoir un point de diffusion de vente sur Châteaudun. Peut-être sur nos gens le retrouvent aussi. Et puis, sur notre site internet. Il y a le site internet, on pourra renvoyer. Le site internet. Pas le site, le Facebook ou les gens. Oui, voilà, parce que moi, j'avais cherché le site internet. Il n'y en a pas pour l'instant. Pareil, j'y ai pensé ça, mais faudrait s'y mettre. Mais bon, le Facebook. Pour l'instant, c'est le Facebook. Ouais, c'est un bon moyen de diffusion aussi, ça marche bien. Donc, Très bien. Donc on va remercier aussi une autre personne. C'est une personne qui se trouve au Portugal et qui nous a fait l'affiche là qui sera sur le site radioarcanciel.fr. Donc voilà. Alors lui il s'est renseigné et puis il m'a demandé justement si vous aviez un site ou s'il y avait un Facebook. Donc ils ont composé avec les couleurs. Le bleu c'est la couleur de l'émission Maverica. Il faut savoir que chaque émission a une couleur différente. Donc ils respectent par rapport au site et aussi par rapport au Facebook de Radio Arc-en-Ciel. Et voilà un petit truc bien comme il faut. Alors il existe en deux versions. Hein. Ça c'est la version Instagram, je crois. et il y a aussi la version Facebook. Et moi souvent je prends l'autre parce que je trouve qu'elle est plus grande. Donc mais bon, si vous voulez, après je vous l'ai prépassé aussi. Elle est super, j'ai vu ce soir, elle est super. Puis on voit que Pascal il veut me taper avec ses baguettes. Hein. c'est des photos qui ont été faites comme ça un soir en rigolant. Pour faire une petite promo pour un concert, et puis je sais pas, à la fin on s'est mis à faire les idiots, c'était mon épouse qui était en train de prendre des photos, puis je sais pas, moi je me suis mis avec la guitare comme ça, et puis Pascal il voulait le taper. Malgré nos textes un peu lugubres, nous sommes des joyeux de rire. Non mais en plus c'est bien parce que c'est un instantané, c'est un moment où tout le monde a le sourire, et voilà, ça fait de la bonne humeur aussi, ça veut dire qu'il y a une bonne entente dans le groupe, et ça c'est important parce que des musiciens qui font que de la musique, il y a aussi une entente au niveau personnel. Je pense que quand vous êtes ensemble, vous buvez un coup, vous partagez les choses, voilà, vous racontez plein de choses, et après vous faites de la musique en même temps, parce que bon, ça, c'est quand même important, ça c'est quelque chose que vous faites sérieusement. Bah, on fait tout sérieusement, même quand on boit un coup. Oui, il faut rester sérieux, juste avec modération. Bah, oui, souvent on répète et puis on se réunit soit autour d'un café. Alors, on est sage hein, quand même. Hein. C'est, ouais. Et après, parfois, c'est pas du café, au moins c'est de la. On va pas faire de. Voilà, c'est là où il faut se méfier, c'est quand on. Un petit coup de bière. Ouais, alors, c'est arrivé une fois, on avait fait une répète, on avait bu un coup. On n'était pas très bien. On a fait une répétition un peu. Ouais. On joue pas mieux après. Ouais, c'était très aléatoire. Moi, bah, c'est du live. Ah ouais, on avait eu un coup de chaud. Puis des fois, moi, je sais que des fois, on m'avait raconté une histoire, je ne sais plus quel groupe m'avait raconté ça. Il m'a dit voilà, un jour, ils avaient commencé à boire un petit peu, et puis ils ont joué, et ils s'étaient enregistrés. Ils disent c'était super. Allez, on a fait un truc. Ah, dis donc, on était chaud, on a fait un truc super génial, tout ça. Et le lendemain, ils ont écouté, ils ont dit, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, sur le moment, ils ont passé un bon moment. Et puis, dit, on a fait un truc super, on a fait des solos qu'on n'arrivait pas à faire habituellement. Les enregistrements, on les écoutait, c'était super. Et le lendemain, ah ben non, c'était pas terrible, finalement. Comme quoi, il faut se méfier. Hein. Donc, la perception peut être modifiée. Ouais. Et c'est un peu embêtant. Il y a notre ami Pascal Bessoum Camille qui vous fait un petit coucou. Hein, donc, Pascal, on fait un on le salue bien. Voilà, on le salue bien. Et puis, on va pas avoir beaucoup de temps de passer beaucoup de trucs. On avait parlé d'Elsia tout à l'heure. À la limite, ça serait bien aussi de passer un petit Bessoum Camille, hein, si on a le temps. Si on n'a pas le temps dans l'émission, parce que c'est vrai que ça passe tellement vite, ben, on le passera dans les prochaines, il n'y a pas de souci. Et on embrasse bien fort notre ami Pascal, donc du groupe Bessoum Camille. Et tous les auditeurs, hein, j'ai vu aussi tout à l'heure parmi les gens qui ont mis des petits j'aime sur le Facebook de l'émission Maverica, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes. Hein. On est l'émission la plus écoutée par les artistes, hein, donc c'est une bonne chose aussi. Je suis en train de chercher parce que je ne dois pas être sur le bon truc. Donc voilà, j'essaie de voir. Bah non, il y a rien qui apparaît. J'y comprends rien du tout. On ne doit pas être sur le bon. Ah bah oui, voilà, c'est parce que c'est inversé. Je ne sais pas pourquoi il y a deux fois le truc. Bon, je n'ai pas tout compris. Bon, ce n'est pas bien grave. On va regarder quand même quelques noms. Oui, il y a pas mal d'artistes. Il y a pratiquement 90% d'artistes de la région orléanaise. Il y en a plein que je connais, voilà. Donc, on remercie tous les gens qui ont mis un petit mot. Alors, il y en a même certains qui ont mis des commentaires. Vous pouvez toujours les mettre, les commentaires. On est encore dans l'émission Maverica. Et puis, de toute façon, le Facebook, il est ouvert pendant toute la semaine. Donc, vous pouvez mettre des petits commentaires. Donc, comme commentaire, on en avait... j'essaie de les savoir tous. Et on a Pascal qui nous dit du groupe Les Uncle Bikers, qui dit la meilleure émission rock du 45 le vendredi soir. Voilà, ça nous fait plaisir en tout cas. Hein. On est fiers, on bombe le torse. Voilà, merci à tous vos petits commentaires. Restez sur Radio Arc-en-Ciel, c'est pas encore fini l'émission, on est ensemble jusqu'à 22h. Et on a encore tout l'album à découvrir, hein. On a encore plusieurs morceaux à écouter. Et puis si on a le temps, on passera aussi d'autres morceaux, d'autres artistes, hein. C'est aussi bien. Voilà, on continue avec la musique. Bah bien sûr. Ouais. Alors le morceau suivant, c'est le fameux Made in China. Made in China. Voilà, c'est notre. Donc ça, c'est toujours d'actualité, hein, déjà depuis pas mal de temps. C'est un morceau qui a une dizaine d'années, vous avez dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est en plus les paroles racontent un peu la création de la chanson. Hein, c'est tout simplement en regardant derrière un ampli, On pense qu'il vient des USA, mais en fin de compte, c'est made in China, quoi. Ouais, tout à fait. On est tous ton frigo, ton slip, tes draps, ta femme, ta belle-mère, tout le monde est made in China. Donc, de toute façon, on n'a pas tellement le choix, comme vous le dites aussi dans la chanson. Hein, c'est un peu comme l'Algérie, on n'a pas le choix. Ouais, c'est vrai, ouais, oui. Donc, c'est vrai qu'on achète des trucs et on ne sait pas d'où ça vient. Et aujourd'hui, pratiquement tout ce qu'on achète vient de là-bas. Et ils ne font pas que des mauvaises choses, hein, ils font aussi des très bonnes choses. Il y a aussi, il faut le savoir, des marques européennes, américaines, etc., qui ont beaucoup d'aura et qui en vérité font faire leurs choses en Chine aussi. Hein, donc, faut pas. Et puis j'ai vu aussi avec des amplificateurs et tout ça qui dit oui, ils sont bien, mais leurs lampes, il vaut mieux prendre des lampes russes ou polonaises ou tchèques. franchement, ils font du bon matériel. Le morceau, il a aussi un message politique. Il a quand même à prendre en disant que bon, on fait fabriquer là-bas, mais la pollution, on la voit pas. L'exploitation humaine, on la voit pas. Il y a ça aussi. C'est ce modèle aussi qui est dénoncé. Et il est vrai que voilà une dizaine d'années, on présentait vraiment ce modèle comme une sorte d'aboutissement du système où c'est les gens travaillaient là-bas en ligne sur la chaîne de production c'est vrai que c'est pas un modèle qui me fait rêver quoi. Pour mes enfants, c'est pas un truc qui nos enfants parce qu'on est tous papa et petits enfants et petits enfants pour Pascal, c'est pas un modèle qui fait, même s'ils arrivent à produire des choses qui sont de très bonne qualité maintenant, faut l'avouer. Mais ils ont appris finalement. Nous, on savait faire des choses, on ne sait plus les faire, puisque de toute façon, ça n'a pas été transmis. Et le savoir-faire est parti ailleurs. Et aujourd'hui, eux, ils savent le faire. Puis, c'était beaucoup moins cher au départ. Et puis maintenant, petit à petit, eux aussi travaillent. Donc, ils veulent gagner de l'argent. Donc, finalement, ils ont un peu le monopole aussi. Donc, les prix vont augmenter. Puis, tout à fait. Jusqu'au jour où ça reviendra peut-être, parce que c'est bien de le faire moins cher à l'autre bout du monde. Hein. Jusqu'à 10 fois moins cher. Et puis, finalement, après, il y a le transport maintenant. Et puis, l'énergie. Elle est de plus en plus chère. Donc, je ne sais pas, c'est des choses qui se sont faites pendant un certain temps. Même les Européens, les Américains ont été faire leurs usines là-bas. Il y en a qui sont revenus entre-temps. Donc, voilà. Et puis, après, il y a aussi... j'ai vu une émission encore hier avec les Ouïghours. Oui, bien sûr. Qui là, qui, carrément, c'est l'esclavage. Les gens sont dans des camps de travail et puis ils travaillent. C'est de l'esclavage moderne encore aujourd'hui. Et ça revient, c'est du Made in China aussi. Alors, est-ce que ça a été fait dans des bonnes conditions? Ce qu'on souhaite, c'est ça. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des règles qui ne sont pas respectées par ces gens-là, ce qui est un petit peu dommage, quoi. Donc, c'est vrai que des fois, il vaut mieux payer plus cher et puis avoir des choses... obtenu dans des meilleures conditions. Fabriqué par nous. Non, mais après qu'ils travaillent, qu'ils fassent leur commerce, mais dans des bonnes conditions. Oui, voilà. Des gens qu'on va tuer à la tâche et puis dans des mauvaises conditions parce que là-bas il y a pas forcément de sécurité sociale comme ici. Il y a pas les protections, donc on travaille comme on travaille. Et puis le jour où on est plus bon, on est rebut. Alors que France, il y a quand même des. Si c'est plus cher, c'est parce qu'il y a des choses à payer en plus au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, au niveau des retraites, au niveau de plein de choses. Hein. Donc voilà, ce qu'on gagne d'un côté, finalement, c'est pas très bien non plus. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ce message aussi par rapport au système. Il est vrai que moi, je me souviens, voilà, une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, ça a un peu changé là-dessus, mais ils nous montraient, il y avait des émissions à la télévision, on nous montrait vraiment là-bas les gens qui bossaient dans des conditions difficiles, ils nous montraient que c'était un système où les gens bossaient, limite pour nous faire nous dire, vous bossez pas assez, et eux là-bas ils triment comme des bêtes, c'est ce message qu'on a essayé de véhiculer, et le morceau, il est un petit peu, il parle de ça aussi. Ça prend un peu à double emploi, à double sens aussi sur ce morceau-là. Voilà. Et puis bon, et au niveau du matériel de musique, on est concerné, nous sommes concernés. Ah oui, ils produisent beaucoup, et il faut avouer que il y a beaucoup de snobisme. Alors, je vais me la jouer rebelle là, ce soir. Il y a beaucoup de snobisme dans les instruments de musique. Il y a des gars qui vont se ramener avec une guitare à 2000 balles ou à 4000 balles, puis ils vont dire ouais, ça sonne bien. Et puis on prend une guitare chinoise à 500 euros, voire des fois moins cher. Et puis c'est pas mal. Et même les hauts de gamme maintenant sont fabriqués, certains hauts de gamme de certaines marques de guitares sont fabriqués là-bas. Mmh. Et voilà, maintenant ils arrivent à faire des produits tout à fait compétitifs et très très très compétitifs. C'est ça qui est terrible. On a vu la même chose avec le Japon aussi. Ouais, c'est terrible. Hein. Il y a eu Hong Kong, Taïwan, Japon, et puis maintenant c'est la Chine. Hein, voilà. La main-d'œuvre moins chère. Et souvent, même au niveau de tout ce qui est électronique, on parlait des guitares et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de composants, ou même du matériel de studio, qui est fabriqué là-bas, sous des marques américaines. Alors Taïwan, ils disent, voilà, c'est une marque américaine. On dit, ouais, j'ai acheté telle marque. Parce que ouais, c'est du bon, c'est américain. Et on voit derrière, il y a écrit le fameux Made in China. Ouais, voilà. Et de chères voitures françaises. Ouais, on a la même chose avec le matériel allemand. Hein, les Allemands aussi. Le nom, il est allemand et bon, il est fabriqué. On ne veut pas citer de nom, on pourra en parler tout à l'heure hors antenne, mais effectivement, il y a plein de matériel très haut de gamme qui est fabriqué, même des marques françaises et tout ça qui sont fabriquées là-bas, tout simplement. Et pourtant, on dit, moi j'ai acheté du matériel et. Ben, j'ai acheté une marque française parce que je voulais défendre. Eh ben non, c'est fabriqué là-bas aussi, malheureusement. Ça vient de là. Alors, on peut dire que les membres de Narcos sont fabriqués en France. Fabriqués en France, voilà. On écoute tout de suite donc le morceau Made in China. We'll be right back. soir, peinard, je rentre chez moi. Ma femme est devenue brune comme une geisha. Elle s'est mise à me parler le pékinois. Et là sur sa nuque, tatouée Made in China. Donc le fameux Made in China, qu'on vient d'écouter à l'instant. Alors tout à l'heure, on a parlé aussi des projets. On a vu que, bon, pour l'instant, il faut défendre le nouvel album et qu'il y en aurait peut-être un prochain. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, un clip vidéo, une idée de... Alors là, ça va être compliqué parce qu'il faut rencontrer les bonnes personnes pour ça. Mmh. C'est pas évident. Là, mais oui, on a espoir. Oui, bien sûr. Sinon, on a des idées déjà. Oui, on essaiera de se débrouiller entre nous, puis voir. Mais si quelqu'un veut se proposer venir faire un clip vidéo pour nous, pas de souci. Il nous contacte, puis on voit ça ensemble. Ouais, ouais. Bah, justement, on peut lancer l'appel. À l'antenne, comme ça, si jamais quelqu'un qui fait des vidéos a envie de faire un clip pour vous, ça serait bien. Parce que effectivement, si vous devez les faire par vos propres moyens, vous êtes des musiciens, donc vous allez mettre plus de temps à faire les choses. Alors que quand quelqu'un qui est habitué à faire de la vidéo, il y a des gens, c'est un peu leur métier ou alors c'est leur passion. Donc forcément, ça ira beaucoup plus vite, ça sera beaucoup mieux, je pense. Hein. Voilà. Ah oui. Très bien. Donc voilà, l'appel est lancé. Il y a une chanson sur laquelle vous voudriez faire justement ce clip vidéo. Je pense que l'unanimité, ça serait Made in China, je pense. Hein. On est ou voir Steve Jones, mais bon, Steve Jones, Made in China, je pense, ça le ferait bien. Ouais. Ouais, j'en verrais bien Pascal déguisé en geisha, tout ça. C'est mon rêve. Quoi. Donc, avec une grande natte dans le dos. Ouais, maquillé, poudré, tout ça. Là, ça c'est. Un chongji quoi. Ouais. Voilà, je le verrais bien. Je verrais bien comme ça, Pascal. Ça serait rigolo. Vous avez déjà été en Chine, non ? Non, pas du tout. Non. Ouais, bon, c'est vrai que c'est une destination. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, avec le Covid, hein, c'est pratiquement impossible. Disons qu'on peut rentrer en Chine, mais ressortir, c'est plus compliqué, je crois. Hein. Ouais, bon, donc. Autant rester à la maison. Il vaut mieux peut-être pas y aller. Voilà, très bien. Donc, c'est une question que je posais, parce que, étant donné que Bertrand, il a été à plusieurs endroits, c'est une chose que vous faites régulièrement, non ? Est-ce que vous voyagez beaucoup? Pour la Pologne, c'était pour le travail. Mmh. Après, oui, c'est vrai que une période où j'ai voyagé, j'ai eu la chance d'aller au Danemark, en Irlande, Portugal, bien sûr. Ah ouais, je me disais, c'est toujours les pays du Nord. Un pays qui est magnifique, la région de Porto, Faf, voilà. Ouais, c'était vraiment super. Bien retourné. Je pense que les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel sont tous convaincus de ça. Ah ouais, non mais c'est Portugal, pour plus, c'est des gens vraiment très très très sympas. À part le Nord. Ah bah si, c'était le Nord. Ils me demandaient souvent parce que nous on n'avait pas de famille de racine portugaise, ouais. Ils me demandaient pourquoi vous venez sur le coin. Bah, je dis, on a envie de découvrir votre pays, c'est super beau. Oui. C'était dingue, on était super bien. Il y a des fêtes partout. Ils font la fête tout le temps. Ah oui, oui, ça, oui. En été, ils savent recevoir. Ils savent recevoir. Oui, et puis on mange bien. Et puis on mange très, très bien. Moi, tous les gens qui ont été là-bas m'ont toujours dit, voilà, on est toujours bien reçus, les gens sont agréables. Voilà, ça fait partie, je crois, de leur mentalité. Hein, les Portugais sont comme ça. Pour la petite histoire, ma femme est portugaise. Elle est née à Madeira. Ah d'accord, ok. Comme quoi, ils sont partout. Ils sont partout. Pire que les Chinois. Mais ils travaillent bien, c'est pas pareil. Et c'est pour ça qu'Eric il va passer ses vacances en Écosse. Ah ouais. Très bien, donc voilà, on a fait un petit clin d'œil aussi au Portugal, hein, qui est un très beau pays, et puis c'est un dépaysement. Et en même temps, on sent un peu comme chez nous, parce que finalement, au niveau culturel, on se ressemble quand même beaucoup. Après, donc, Puis il y en a beaucoup aussi qui parlent la langue française, qui nous arrange, puisque nous, en langue étrangère, on n'est pas très bon. Donc c'est vrai qu'on peut se faire comprendre facilement au Portugal, puis on est toujours très très bien accueillis. Et puis ils ont une facilité pour les langues étrangères. C'est vrai que maintenant les nouvelles générations c'est surtout l'anglais. Oui. Et il faut voir comment ils parlent l'anglais. Même moi je m'y tromperais. Hein. Autant un espagnol ou un français qui parle l'anglais, des fois on arrive à voir qu'il a un accent français, mais le portugais c'est bluffant. Et puis c'est vrai que les gens d'une génération, par exemple d'une cinquantaine d'années, c'était plus le français. Hein. Moi ils parlent français parce qu'ils parlent français. Ouais, ils parlent beaucoup français quand même. Et puis, beaucoup de gens aussi qui ont de la famille qui est venue en France aussi. Et donc voilà, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'immigration entre le Portugal et la France. Et pas que, hein. Il y a dans tous les pays du monde. Je crois que les Portugais sont vraiment partout. Ils sont comme la misère, pareil. je sais que partout où j'ai été, il y a toujours un truc avec un Portugais. Hein. Toujours. Et même des fois, des endroits où on ne penserait même pas. Hein. Je me souviens, j'avais été au Sri Lanka, ça a été découvert par les Portugais. On va au Maroc, il y a Essaouira qui est l'ancien Mogador, qui était le fort portugais. Et une fois, j'avais été en Andorre, et là, on se dit, bon, on parle espagnol, on parle français, donc ça va aller. Ben non, ils parlaient que le catalan. Et là, on était embêtés, parce qu'on a dit, mince, comment on va faire pour se faire comprendre à l'hôtel et tout ça. Il dit, vous inquiétez pas, ils ont été chercher en portugais, on a parlé en portugais. Et puis voilà, il y a toujours un portugais quelque part. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais bon, ce qui fait aussi que bon, c'est un peuple qui s'est intégré un peu dans beaucoup de pays différents, et puis... Voilà, donc c'était bien d'en parler aussi dans l'émission Mavrica. D'autres projets encore, enregistrement, clip vidéo, les concerts, on peut rappeler les dates. Récupère l'information. Vierzon, le Café Aubéry, donc le 28 avril. On a le 18 mars à Vierzon, non, c'est pas le 28 avril. 28 janvier, pardon, voilà. Excusez-moi. Je n'ai pas les dates en face. Faut que je me remette je me reconnecte. Je m'étais mis en mode avion. C'est les yeux qui sont pas en face des trous. Voilà. Alors, c'est reparti. Voilà, on y va. Cette fois-ci. Alors, ici, on a donc Shop et Compagnie à Chartres le 3 mars. Le Café Pop à Blois bientôt le 14 janvier de l'année prochaine. Le Road Trip Café, c'est pas dans l'ordre, hein. Concert prévu le 18 mars, donc c'est Noyers-sur-Cher, c'est à côté de Saint-Aignan. Et le Café Aubéry à Vierzon le 28 janvier, le jour de mon anniversaire. Et voilà. Voilà, Vierzon, dans ma région natale. Moi, je suis Berrichon. Encore un qui veut qu'on lui offre une guitare. Voilà. D'accord, il y a fait une liste. Comme il y en a, il faut pour Noël. Ouais, en Chine, elles ne sont pas très chères. Mais bon, oui, oui. Guitare chinoise, c'est vrai. Elles sont très bonnes. Oui, oui. Il faut l'avouer. Quoi, il faut l'avouer. Je me souviens que même les japonaises, à une époque, on disait, voilà, Made in Japan. Bon. Et aujourd'hui, il y a même des... Bon, il faut savoir qu'il y a aussi des... C'est comme tout. Hein. Si on veut mettre le prix, les Japonais sont capables de faire des choses pratiquement à la main sur demande. Ils font des guitares super bien qui aujourd'hui sont très réputées et après ils font aussi de la grosse cavalerie, c'est-à-dire que dans des usines, hop, ils sortent 5000 guitares d'un coup. Bon, forcément celles-là elles sont moins bien faites que celles qui ont été faites à la main. Dans l'ensemble c'est très bien, mais après c'est très bien. Rapport qualité-prix. Des meilleures marques de guitares du monde, enfin je ne donnerai pas le nom de la marque, mais de tous ceux qui aiment la musique métal, c'est trois lettres. Hein, c'est pas de la musique, le métal, c'est ça le problème. T'as pas encore compris, voilà, c'est pas... Si c'est Electronic Swing Product, bon, et ceux qui connaissent, ils retrouvent... Voilà, c'est une marque de guitare qui est reconnue dans le monde entier. C'est une très bonne marque de guitare au Japon, fabriquée au Japon. Et puis il y a aussi des bonnes marques de guitare européennes, mais il y en a aussi des très mauvaises, hein, il faut quand même le dire. Hein. On a une très bonne marque en France. Hein. On a la marque, vous pouvez citer la marque peut-être. On peut en citer plusieurs. On n'est pas sponsorisé, mais bon, Vigier, c'est, oui, oui. C'est les meilleures marques de guitare du. Voilà. Non, non, bah, pas le même. C'est pas le même. Fabriqué par voilà. Député, non. Non, non, ouais. Et puis il y a les Allemands aussi, Zandberg, il y a plein d'autres oui. marques. Hein, Il y a même une marque sur la Chapelle, ça même, hein, ouais. L'endroit où j'habite, hein, et qui a le nom de la Loire, hein, on va pas dire le nom vraiment exact. Et ben, j'ai été dans l'atelier une fois là-bas, et puis effectivement, ils font des très belles guitares. On les avait présentées aussi à un Maurica Live, et des musiciens sont venus les essayer, et j'ai vu que beaucoup de gens en avaient fait des commandes même. Donc voilà, il y a des artisans comme ça, mais c'est pas en grande série, hein, c'est vraiment des guitares sur commande, et vous la faites de la couleur que vous voulez, la forme que vous voulez, etc. Après, il y a aussi un catalogue avec des guitares qui sont faites plus en série, quoi. Mais bon, il faut savoir que bon, il y a des très bons musiciens, et souvent il faut fouiller un petit peu, et puis il faut savoir que même sans aller très loin, on peut en trouver des très bons, quoi. Voilà, très bien, c'était bien d'en parler aussi. Toujours dans les projets, voilà, c'est tout, on a fait le tour, je pense. Hein. C'est déjà pas mal. Après, nous, s'il y a des personnes qui nous entendent pour faire un festival, donc je suis en train de passer quelques petits coups de fil. Les concerts dans les bars, c'est très sympa, mais quand même jouer dans un festival. Sur une grande scène, ouais. Sur une grande scène, alors voilà, cette année, on a eu l'occasion. C'est bien, et quand c'est en plus sous forme de festival, on voit d'autres groupes, et ça, c'est génial, parce qu'on côtoie d'autres groupes, on fait des connaissances, on croise des idées, il y a cette ambiance de un peu festif, je trouve que c'est sympa aussi, donc voilà, bon, à l'occasion, s'il y en a qui entendent ce qu'on fait, ce qu'on a fait, enfin ce qu'on présente ce soir, pourquoi pas, quoi, jouer sur un festival. Très bien. Donc, s'il y a des organisateurs qui nous écoutent, qui ont envie de, par exemple, faire jouer des groupes, peut-être un groupe d'Orléans et un groupe qui vient de plus loin, comme vous, par exemple, voilà, ça serait l'occasion de groupes ou même plus, hein, parce que bon, ça, c'est toujours possible. Et est-ce qu'il y a aussi des artistes que vous avez rencontrés, que vous avez envie de citer aujourd'hui, des artistes que vous avez rencontrés lors d'une scène partagée? Moi, j'ai le souvenir d'un groupe sympa. Ça s'appelle. C'est un groupe qui. Je sais pas si ça existe encore. Sur leur Facebook, il y a plus grand. Enfin, je vois pas trop d'actualité. Dirty Box. Ben, si tu te souviens, Pascal. Oui. C'est un groupe de l'Eure-et-Loire où c'est un guitariste qui fait qui fait DJ, guitariste très rock metal. Oui. Et un chanteur qui balance les paroles un peu à la rap, hip-hop. Et c'est vachement engagé, moi j'aime beaucoup. Et ça cartonne bien, c'est pas mal. Puis le chanteur, Ludovic, j'aime bien ce qu'il a, sa posture sur scène. Il a un côté un peu hip-hop qui colle bien à la musique. Après, on a croisé les têtes de Piaf aussi, qui sont sur Morning Sun aussi. Morning Sun, je sais pas si ça existe encore. Je crois pas. Voilà, c'était vraiment des petits jeunes qu'on a croisés lors d'un petit festoche. Alors oui, ils étaient très très bons. Ouais, vraiment très très bons, un bon niveau, très sympa. Ouais. En plus, pas la grosse tête. Et puis il y a nos copains, les voisins. Ah bah oui, les voisins avec qui on a joué plusieurs fois, donc on les embrasse s'ils nous écoutent. Philippe, je pense que certainement ils nous écoutent. Et puis JB, le chanteur, et Dominique aussi, le batteur, puis ouais, un nouveau bassiste, on ne connaît pas. Non, mais alors on les embrasse très fort, les voisins. C'est pour ça qu'il faut en profiter pour citer justement les groupes comme ça, parce qu'il y en a certains qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Vous en avez cité plusieurs que je ne connais pas, et pourtant je m'y intéresse depuis déjà une douzaine d'années. Mais c'est toujours agréable de découvrir des nouveaux groupes. Hein. Bah, il y a encore quelques temps, Narcos, je ne les connaissais pas, mais maintenant je vous connais. Voilà, et on va continuer de vous suivre dans les prochaines années, hein. et puis vous venez dans les studios quand vous voulez. Ça me fait peur, moi, quand on dit les prochaines années. Oh, bah. Après, il faut rester jeune dans la tête. Hein, c'est ça. C'est vrai. Il y a des gens, des fois, des jeunes, ils sont déjà vieux dans leur tête. Oui. Et des gens plus âgés, bah, ils sont toujours jeunes. Et puis, mais il faut que les guiboles la suivent aussi. Ouais, mais le rock'n'roll. C'est le seul qui joue aussi, arrête, Pascal. Le rock'n'roll. Le rock'n'roll, ça conserve. Ouais, ça conserve, Pascal. Ouais, ça, j'ai pu le constater. Ouais. Whisky aussi. Très bien. Ça, c'est pour les fruits, ça. Ça conserve les fruits. Et la fumée, ça conserve la viande, comme disait notre ami Gainsbourg. On écoute donc le prochain morceau. Alors, on arrive à l'erreur de casting. Voilà, ça c'est le problème. On l'écoute et puis on en parle après. Ouais. C'est parti. magique. Écarquiller mes yeux qui chavirent à l'oblique. Costard de réussite, je ne m'assume plus et je vire aux critiques. Ma vie marche sur un champ de ruines. Tout ça est pour l'amour du film. Je crois que je suis la victime. Un jour toute splendeur a perdu sa fraîcheur. La violence des mots me colle à la peau. Spirale infernale, ce visage glacial, son emprise torturée m'a déglingué. Non, mon dans l'émission de plusieurs artistes. On avait parlé d'Elsia tout à l'heure. On a le temps de la diffuser, mais après on n'aura pas le temps de diffuser tous les autres artistes, mais vous inquiétez pas, pour les prochaines émissions on les oubliera pas. Donc il y en a beaucoup qui sont intervenus, on aurait voulu diffuser, on a voulu que l'émission soit beaucoup plus longue, mais effectivement 3 heures ça passe très très vite, et surtout avec nos invités, le groupe Narcose. On a découvert leur album qui va sortir au mois de janvier, donc vous pouvez commander leur album. Vous allez sur le Facebook, vous cherchez Narcose Châteaudun, hein, c'est comme ça qu'on trouve le plus facilement. Très facilement, ouais. Parce que moi j'ai tapé Narcose et il y a plusieurs choses. Bon, et après j'ai tapé Châteaudun et là je suis tombé dessus. Ouais. Effectivement, musicien, etc. Donc c'est bien vous. Si vous avez un doute, vous regardez l'affiche de l'émission Mavrica, hein, de ce soir, et vous regardez si ça correspond bien au bon. Parce que si après vous commandez un truc ailleurs, en Pologne par exemple. Ou voilà. En Chine, pire, en Chine. Ou en Chine, voilà. Ouais. L'album sortira. Alors, il va sortir en CD. En CD, et pas en vinyle. Pour le moment, on fait un pressage CD. Après, on verra peut-être. En espérant que ça marche bien. Mais, mm-hmm. Voilà, déjà un CD, c'est bien. Ouais, déjà un CD, un c'était support, l'objectif. Comme ça. Et sur gramophone, alors ça c'est pour Pascal, le gramophone. Gramophone, 78 tours. Avec un saphir. Avec un saphir, ouais. Avec un saphir spéciaux en mono hein, à l'époque. Ah ouais. Très bien. Même pour l'émission, je l'ai conseillé à des auditeurs, s'ils pouvaient écouter sur un poste à galène, ça serait très bien aussi. Mais la FM, c'était un peu plus compliqué sur les postes à galène. Effectivement. Et en plus, moi, ça me fait rire parce que j'aime bien le look de ces vieilles radios et tout ça. D'ailleurs, j'en ai récupéré aussi. Mais aujourd'hui, on capte plus rien avec ces radios-là. Mais parce que les ondes sont... Si, ondes courtes, bien sûr. Ici, des fréquences comme ça. Grandes ondes, ondes courtes, petites ondes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les programmes, ils sont pas vraiment là-dessus. Hein, mais bon, et puis après, on avait l'habitude à l'époque. Hein, moi, je me souviens, les gens qui écoutaient l'étranger et tout ça, il n'y avait pas Internet, il y avait tout ça. Donc, ce qui nous reliait au pays, hein, pour beaucoup d'immigrants, c'était les ondes courtes. On écoutait, je me souviens, mon papa qui écoutait le football sur les ondes courtes, donc le Portugal. Et alors, il fallait le déchiffrer parce que le son, il était vraiment... voilà, ça partait, ça revenait, il y avait des parasites. Mais bon, c'était le seul moyen. Aujourd'hui, on a l'image, on a tout en direct. Mais bon, il faut savoir qu'à une époque, c'était le progrès. Et aujourd'hui, le progrès... Mais par contre, c'est vrai, ces grosses radios là, qu'il y avait à l'époque avec les lampes, c'est fabuleux. Hein. C'est très beau objet. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette émission. On a écouté donc Elsia qui sera avec nous le 27 janvier. Elle viendra pour une émission spéciale. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle No Games. Et juste avant, on avait écouté un morceau des Narcos qui s'appelle Erreur de casting. On va peut-être en parler un petit peu. Alors Erreur de casting, c'est un morceau qui parle d'erreur de casting. C'est-à-dire que. Il est fou ce gars. Non mais on peut se retrouver des fois dans des situations où on n'a pas sa place, comme dans le boulot. Mais qu'est-ce qu'on fout, voilà, ça parle de plusieurs personnes qui se sentent mal dans le boulot. Il y a le premier, c'est une personne qui c'est un trader. Quoi, c'est on lui explique, on lui met des courbes, on lui dit voilà, ça c'est la croissance, c'est magique, tout. Et puis il se dit ouais, mais moi, enfin bon. Je me sens mal ici. Après, le deuxième, c'est un agent des forces de l'ordre qui est en train de taper un manifestant. Et puis, on lui dit, tape plus fort pour que la loi s'applique. Et il se dit, je suis peut-être pas à ma place. J'ai peut-être pas envie de taper le gars comme ça pour que la loi s'applique. Peut-être qu'il est d'accord avec le manifestant. Mmh. Et puis on a aussi le personnage, hein, le comédien qui se retrouve, qui se pense comme un grand, grand acteur. Et il se retrouve dans un film où l'actrice arrive avec une petite tenue. Il se voyait jouer le plombier tragique. Mais bon... il est plombier dans un film où je fais pas de dessin. Ouais. Et puis il en a c'est notre chanteur. Rocco Fulvrelli. Voilà. On a notre chanteur à la fin qui dit qu'on quand même que nous on n'est pas une erreur de casting. Voilà, c'est une chanson qui parle un peu de ça quoi. Mm. Et puis je pense que tous on a eu un peu cette situation là. Est-ce qu'on est bien à notre place? Est-ce qu'on a fait les bons choix? Qu'est-ce qu'on fout là des fois? Des fois on se retrouve dans des situations, on se dit mais comment je me suis retrouvé là? Ouais. Et il y a des trucs qu'on voudrait vraiment pas y arriver. On dit mais c'est pas possible. Je me suis retrouvé dans des situations comme ça il n'y a pas longtemps et là ça recommence à nouveau et on se dit et par contre il y a des trucs que j'aimerais tellement me retrouver dans une situation je sais pas sur une plage aux Maldives ou un truc ça m'arrive pas mais par contre les trucs comme ça oui voilà comme quoi mais bon après c'est le destin de chacun hein, c'est comme ça mais le fait de se poser cette question là je crois que tout le monde se l'est posé déjà à un moment ou à un autre très bien on a gardé un morceau aussi pour la fin c'est le dernier qui s'appelle Steve Jones. Alors, c'est quoi Steve Jones? Alors, Steve Jones, c'est un personnage d'un film de Clint Eastwood. Pour les amateurs, c'est le film Le Maître de Guerre. Oui. Donc, Eastwood joue le rôle d'un sergent qui va aller former des soldats. Et quand il prend la route pour aller à la caserne pour former ses bleus, il croise un musicien qui s'appelle Steve Jones et qui lui dit voilà je suis l'ayatollah des rock and roller mec et tout et en fait il s'avère que ce Steve Jones est aussi va être un élève du sergent Clint Eastwood et lui fait un peu la misère. Et il y a des moments dans le film où on voit Steve Jones en concert avec sa Flying V sur scène. Alors, c'est pas une Flying V, il y a plutôt une forme d'explorer, j'ai revu deux fois. Enfin, c'est un film qui a, il y a un vocabulaire assez fleuri. Moi, j'aime beaucoup. Il est très, très drôle. J'encourage les auditeurs à le revisionner. Et cette chanson est un hommage à ce Steve Jones. On pense qu'il a fait une carrière internationale après son service militaire auprès de Clint Eastwood, qui est pas commode dans le film. Hein, voilà. Oui, il a ce rôle-là. Je pense que c'est aussi avec son visage. En tout cas, c'est un artiste très talentueux. Ouais. Voilà, je crois que c'est une référence, hein, carrément. Oui, et puis aussi bien en tant qu'acteur qu'en tant que réalisateur. Hein. Ouais, il a rien loupé, je crois bien. Ouais, sa carrière, franchement, il a loupé. Et d'ailleurs, dans ce film, il fait un peu d'autodérision. C'est ça qui est pas mal dans le film Le Maître de Guerre. Eastwood, je pense qu'il arrive à la soixantaine, et c'est à la fin des années 80 qu'il a été tourné ce film, 88, un truc comme ça. Il est en train de, il fait de l'autodérision par rapport à tous les rôles qu'il a fait auparavant. Bon, l'inspecteur Harry, qui était parfois critiqué par le message que ça voulait faire passer, alors que lui, il n'était pas du tout là-dedans, il voulait faire passer aucun message. Et puis il fait la grimace et voilà, c'est à la fois un film, il est très drôle, quoi. Moi j'aime beaucoup ce film, il me fait toujours marrer, puis j'aime bien le regarder quand il passe à la télé avec plaisir. Et Steve Jones, c'est génial, quoi. Donc j'espère que ça donnait envie aux auditeurs de revoir ce film, de le voir ou le revoir ou le découvrir carrément. Il y a certains trucs. Des fois, on est passé à côté de grands films et tout ça. On s'est pas intéressé sur le moment et on les redécouvre quelques années après. Et puis, on prend autant de plaisir. Hein, voilà. Donc, c'est bien de partager un petit peu ce que vous aimez. Très bien, on arrive à la fin de cette émission. Donc, en tout cas, ça passait très vite. On est ensemble encore quelques temps. Hein. Mmh. Donc, on a encore un morceau à écouter. Après, on va rendre l'antenne. Mais nous, on va faire des photos. Les photos qui seront publiées dans le courant de la semaine. Donc, des souvenirs de l'émission Mavrica numéro 531 avec le groupe Narcose. Et à la fin de chaque émission de Mavrica, on a l'habitude de dire des phrases magiques. Alors, ça, c'est depuis très longtemps. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois, la première, c'est... Vive le rock'n'roll. Que le rock'n'roll soit avec vous. Hein. La deuxième, c'est une vie sans musique serait une erreur. On en a parlé tout à l'heure. On dit, mais s'il n'y aurait pas de musique, comment on ferait? Il faudrait l'inventer. Elle a été inventée dès l'âge préhistorique, la musique. Hein. C'est vital pour l'être humain. Hein. On parlait tout à l'heure de métal qui n'était pas de la musique, c'est du bruit. Hein, il faut quand même le dire. Mais le bruit, c'est déjà de la musique. Puisque c'est du bruit organisé. C'est organisé. Mais c'est vrai que les sons, ils sont dans la nature. On n'a rien inventé. Hein. Mm-hmm. Ils sont dans la nature. Et c'est vrai qu'on l'a organisé. Parce que finalement, le souffle du vent sur les arbres, le chant des oiseaux. Les trucs qui se cognent. Quand on marche, ouais, le chant des oiseaux. Quand on marche simplement, on fait un rythme. Et toutes ces choses-là existent déjà. Vrai, hein. Et après, on les prend finalement de la nature, on les réorganise, parce qu'on est des êtres humains, on aime bien tout ranger dans des cases. Ouais. Et on fait de la musique, hein. Je pense que c'est ça. Mais finalement, que quand tapant sur une peau tendue, ça fasse un bruit, c'est dans la nature, ça, déjà. Comme les hommes préhistoriques avec leurs femmes, comme ça. Le battement d'un cœur, c'est de la musique. Le battement d'un cœur, c'est de la musique. Et ouais. C'est avec le battement d'un cœur qu'on fait de la musique aussi. Ouais. Voilà. Avec le cœur. Avec le cœur, toujours. Voilà, ça, c'est important. Et puis, la dernière, hein, c'est un message plein d'espoir. Il est en anglais, cette fois-ci, c'est « Everything is gonna be alright ». Voilà. Quelque chose, ça. Oui, ça, c'était repris par... C'est pas de vous, ça, Non, c'est, hein. C'est pas du tout de moi. C'était Franklin Roosevelt, le président des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait l'habitude de finir toujours ses discours par cette phrase-là. « Everything is gonna be alright ». Voilà, c'est un message d'espoir. Et ça a été repris par... Bob Marley, par exemple. C'est à lui, je n'ai pas la culture américaine. Bob Marley me parlait plus, effectivement. Et Bob Marley, oui, il l'avait chanté. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on sort depuis longtemps. Et malheureusement, depuis le temps qu'on le sort, eh ben, c'est toujours pas mieux. Hein. Et même certains disent que c'était mieux avant. Oui, mais si on dit ça, on passe pour des vieux cons. Donc, voilà, il vaut mieux pas le dire. En espérant, il y a quand même beaucoup de choses qui ont à améliorer, tant mieux. Et ce qu'on voudrait, justement, c'est que les gens s'entendent beaucoup mieux sur la Terre. On est là pour vivre ensemble et partager un court instant. Hein. C'est quoi, c'est quoi rapport à la vie de, d'une planète passage, hein. On est vraiment on est que passage. Passage ouais. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est passer des bons moments. Mmh. Puis les moments qu'on passe, eh ben, on ne pourra plus jamais nous les enlever. Ils sont à nous, comme cette émission qui est passée aujourd'hui, qui est super bien passée. Donc on se donne rendez-vous prochainement, on se tient au courant. Et puis, vous revenez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel quand vous voulez. Merci beaucoup. Et à l'occasion, s'il y a un concert, ben, on ira vous voir. Ah ben, ouais, un grand concert dans la région, voilà, où on est libre ce jour-là, ben, on ira vous voir aussi. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Et puis on garde le contact. Et puis à une prochaine. Donc on va souhaiter aux auditeurs une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon week-end, une très bonne semaine. Et rendez-vous la semaine prochaine dans l'émission Mavrica. Bonne fête de fin d'année. Et bonne fête. Ouais. Fête de bon rêve. Nous on se reverra entre temps. Hein, vous inquiétez pas. Alors pour le mois de décembre, alors là c'est vraiment frileux parce que les groupes voulaient pas vraiment venir au mois de décembre. C'est vrai que vous êtes les seuls pour l'instant. On revient la semaine prochaine si on vous voulez. La semaine prochaine. Si vous voulez. Et on donc, sort l'album d'après. Là, il y a beaucoup de gens qui doivent venir. Alors, le mois de janvier, tout le monde demande le mois de janvier. Il est déjà complet, donc c'est plus la peine. Après, le mois de février, il reste encore quelques dates. Et au mois de mars, il reste encore quelques dates aussi. Mais bon, ça va très vite, donc c'est pour ça, il ne faut pas hésiter. Et si vous êtes dispo la semaine prochaine et la suivante, vous me contactez. Puis on peut programmer une émission très facilement en une semaine. Voilà, on la prépare. Et puis ça se passe toujours très bien. Voilà, merci à vous en tout cas. On écoute le dernier morceau de cet album de Narcose. Et on se dit à très bientôt alors. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. Allez, merci bye à bye vous. Bye bye. Ciao. Thank you. plan sortie, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Primeira música da hora, Fábio Rebordão, Má Onda. Depois, ficamos com Tais Quais e a sua fascinação. Bom fim de semana. Um sorriso é mais forte que uma careta feia. Se por medo a ideia, eu não te gabo a sorte. A palavra é mais clara que um olhar de soslaio. Eu não sei por que raio tu me viraste a cara. Não entendo por que não tentas mandar isso para lá. Essa má onda rabugenta, epá, comigo não dá, não dá. Comigo isso não pega. Comigo isso não dá. Se o meu amor não chega, a outro chegará. Dá-me um abraço já. Dá mais pena que a minha solidão. Ai, fica a ovação, pois eu já topei a cena. Essa birra já vem torta e eu sei que um dia passa. Não sei por que desgraça engraças com a minha porta. Não entendo por que não tentas mandar isso para lá. Essa mão da rabugenta, epá, comigo não dá, não dá. Comigo isso não pega. Comigo isso não dá. Se o meu amor não chega, a outro chegará. Dá-me um abraço já. É uma onda, mas enfim, só se estraga uma casa. Por mim é tábua rasa que eu até gosto assim. Não entendo porque não tentas mandar isso para lá. Essa má onda rabugenta, é pá, comigo não dá. Comigo isso não pega. Comigo isso não dá. Se o meu amor não chega, a outro chegará. Dá-me um abraço já. Sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas. inclinação. Mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui. Teu sorriso prende e inebria, entontece, és fascinação. RDP Internacional, o projeto Tais Quais, com grande fascinação esta, atrás Má Onda, o início desta hora com Fábia Rebordão. Visita consular. Todas as semanas na RDP Internacional temos visita consular. As suas dúvidas, questões e informações, todas as terças-feiras, às 2h15, 8h15 e 15h15. Com a Vice-Diretora-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, Maria Manuela Durão. Envie a sua questão para visitaconsular@rtp.pt ou consulte os podcasts da RDP Internacional. Convidados, as rubricas, a equipa, as novidades, os bastidores, os melhores momentos e os piores também. Isto é RDP Internacional no Instagram. Descubra tudo em RDP Internacional. Eu vou já descobrir. Não vai querer outra coisa. Se está na Austrália, Macau ou Timor, sintonize o satélite AsiaSat 5.